de découverte. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Véronique Mire nous ouvrira encore les pages de son Véronictionnaire. On activera les pages de notre santé, ça veut rien dire, avec Cindy Gilbert et activer votre santé. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 28 janvier 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut, Steph. Pas encore facile, le 2015, hein? Non. Moi, ouf. Pas sûr. Je pense que ça prend de l'année au complet, m'habituer. Ben, ça prend ça chaque année, donc je te dirais que c'est pas une compétence que... C'est le mois de mars, mettons. Moi, je sais pas. Moi, c'est bizarre. Par exemple, mon âge, je me trompe, mais à vers l'avant. Mais quand as-tu à dire ton âge? Moi, j'ai jamais à dire mon âge. Quasiment. Ben, justement, quand quelqu'un te pose la question, je bug. Oui, ben, je suis en 83, c'est là. C'est arrivé l'autre fois, j'étais assis sur le divan, je fais « Oh, chérie, j'ai quel âge, donc? » J'ai 40 ans. J'ai comme un blanc. Moi, ouais, c'est ça, tu te réveilles. Ah non! Ah! Beaucoup trop d'années passées. Ben non. Aujourd'hui, l'émission Steph, à 8h, on va voir Cindy Gilbert et sa collègue Activer votre santé. Mm-hmm. Aux deux semaines, elle nous parle de différentes choses à faire pour améliorer notre état. Et je crois qu'elle a choisi son sujet cette semaine expressément pour toi. Donc, je dois écouter absolument. Donc, ça, c'est à 8h. Ensuite, plus tard dans l'émission, on va faire à 8h30. À partir de 8h30, ça devrait pour là parce qu'on n'a pas Frédéric Bernard aujourd'hui. Oh non, qu'est-ce que je vais écouter cette semaine? Qu'est-ce que je vais faire? Oh non! Allez, tu seras de retour la semaine prochaine avec nous. Mais on va commencer l'émission comme on le fait les mercredis aux deux semaines, en ouvrant un peu cette reliure, ce livre qu'est le Véronictionnaire. Ah, bonjour Véronique! Hello! Ça va bien? Ben oui, vous autres! Tellement! Toujours! Vous êtes dégelés! Ouf! À peine arrivé, l'émission commence déjà, c'est n'importe quoi! Donc, on était rendu, si je comprends bien, pour ceux qui ne suivent pas là, depuis les dernières années, on a commencé par la lettre Z, on avance jusqu'à la lettre O, on recule vers la lettre A. Donc, techniquement, ça veut dire qu'on est rendu à la première partie de la lettre F, parce qu'on a fait la deuxième la semaine passée, si on y va à l'ordre. C'est vrai, si on est à rebours, effectivement. Ah, ben ouais, oui, t'as exact. T'as pas pensé à ça. Fait que là, il faut refaire toutes les chroniques qu'on a fait depuis l'été, là, je sais pas combien de temps, l'été on de mes 11 ans. L'été de mes 11 ans. Ça fait longtemps que c'est commencé, cette chronique-là. Bref, on est rendu à la donc, première partie de la lettre F. Oui, exactement. Puis, puisque tu parles de l'été de mes 11 ans, ben en fait, c'est pas un navet, hein. Mais moi, je vais vous expliquer brièvement pourquoi on dit des fois que d'un mauvais film que c'est un navet. Donc, en fait, c'est parce que le navet n'est ni salé ni sucré. Donc, selon certains, sans saveur, à mon avis, c'est très bon, là, le navet. Hey, du potage, le navet, c'est la meilleure affaire. Cru, là, mais on dit que... Quand j'étais petite, moi, cuit, j'étais pas capable, je mangeais ça cru et je capotais. Mm-hmm. Ah, c'est les bon. Gens pensent pas faire ça en trempette, mais du navet cru, c'est vraiment bon. Donc, cru, à la base, on dit que c'est un légume, ben, ou plutôt une racine, là, c'est plus une racine, insipide. Donc, un film sans saveur ni odeur est tout simplement nul, comme un navet. Bon, donc c'est discutable, là, mais... Moi, c'est pas vrai. Mais quand même. Donc, voilà pour le navet. Donc, j'ai essayé de trouver des films que moi, je jugeais navet. Puis, en fait, pendant le temps des fêtes, j'en ai regardé un. Puis, j'ai même pas été capable de le finir. C'est A Christmas Story 2. Je sais pas si vous connaissez A Christmas Story 1, là. C'est un vieux film de Noël. Ah, c'est quel, ça? Hein? Probablement que je l'ai vu, mais que ça m'échappe. Mais souvent, les deux, quand c'est fait plus tard, c'est mauvais. Souvent, les suites, hein, ouais. C'est le petit garçon qui voulait une carabine, là, à plomb, là, à Noël. Puis là, bon, le 2 l'ont refait beaucoup, beaucoup plus tard. Puis c'est vraiment raté, là. Ça n'a aucun bon sens. Qu'est-ce qu'il voulait dans le deuxième? Juste des plombages ou genre un crayon de mine à plomb? Ben, c'est juste que c'était vraiment laid. Tout le film était laid. Les couleurs, c'était tout... Ah, on veut que ce soit joyeux, c'est Noël! C'est ça. Oui, c'est ça! Ou il y a un film de Cameron Diaz aussi qui était sorti, là, peut-être 5-6 ans, là, Love Actually de Cameron Diaz, avec Cameron Diaz. Puis c'était un peu le pendant féminin des American Pie, puis c'était vraiment raté, là. Ouais, ça avait pas pogné, ça, pourtant. Aïe, aïe, aïe. Ben, je sais pas si ça avait pogné, mais à mon avis, c'était un avis. Ouais, c'est ça, c'est ça. Des fois, on fait que ça dépend de chacun, là. Subjectif, mais, ben oui. Mais bon, moi, l'humour, c'est le premier degré, mais ouais. Féminin, là. Ah, l'humour féminin, hier. Yeah. Moi, le film qui m'a marqué de tous les temps, que j'ai regardé, j'ai fait... Arc, c'est le roi de la quille. Ah ouais, oh. oui. Tu as fait ces films dans ce genre-là de sport, de patinage, de quille, de basketball, puis mais c'est Underdog, je sais pas quoi là, le basketball. Ouais, mais ça c'est un vieux film de. Will Ferrell, on s'entend là. Will Souvent. Ferrell a fait un bon film et c'était le seul qui n'était pas une comédie. Ah. Il a fait un film dramatique et c'est excellent. Malheureusement, j'ai pas le titre en tête. Je sais pas si tu le sais. Là, c'est pas qui fait un genre de comptable là, qui va faire le compte des billes dans une pâtisserie. Puis c'est pas celui-là? Non, mais c'est pas un auteur et ce qui écrit, ça exactement, se réalise c'est dans ça, sa c'est vie. Ça, c'est ouais, ce livre-là. Bon. Ouais, ce film-là. ouais, ça me dit quelque chose. Et ouais. C'est un excellent film et c'est pas une comédie, donc il devrait vraiment changer de registre. Ben, c'est un bon film malgré Will Ferrell, peut-être. Non. Il est bon dedans. Il est excellent dedans. Oui. Pour vrai, dans le drame, il est excellent. Mais ouais. Surprenant. Cool. Oui, vraiment. Ouais. On pourra chercher ça tantôt, peut-être. Ben oui. C'est quoi le titre du film? Donc, film et navet. Ensuite, feu de circulation. Ah ah! Oh! Trois couleurs. Sur la route. Crème glacée napolitaine. Oh, wow. Miam, miam, miam. Donc, il n'existe pas exactement de. Ben, tu sais, souvent, des trucs historiques comme ça, on n'est pas certain si c'est vraiment la vraie source, mais le premier feu, en fait, bicolore, a été inventé à Londres, au coin de Bridge Street et de Palace Yard, le 10 décembre 1868. En fait, c'était une lanterne à gaz pivotante, rouge et verte, qui nécessitait la présence d'un agent de police pour le manœuvrer. Donc, comme on s'en doute, il sera grièvement blessé le 2 janvier 1869. mais c'est pas plus simple que lui fasse la circulation au lieu de mettre un feu de circulation qui nécessite que quelqu'un le tourne? Ouais, c'était peut-être l'intermédiaire. Ils se sont dit, oh, le temps qu'on trouve une façon de le faire pivoter à distance. L'idée de base est bonne, là, parce qu'on en voit encore. oui, donc danger pour l'agent qui est là. Mais le premier feu tricolore avec la phase intermédiaire là, de couleur jaune-orange, évidemment, a été installé aux États-Unis à Cleveland en 1914. Donc, ça, on le sait que c'est là que c'est arrivé. Ensuite, les fourchettes. Oui, vas-y. T'as trouvé le film? Oui, c'est ça. Donc, en anglais, c'est Stranger Than Fiction. Ah, exact. Oui, c'est au ça, Québec, ouais. Plus étrange que fiction. Et évidemment, en France. C'est quoi? L'incroyable destin de Harold Crick. Ah oui, son nom. Évidemment. Ah oui. Évidemment. Mais pas? Ça n'a plus rapport pas tout avec le. Mais c'est incroyable en France comment ils aiment ça, compliquer les choses. Bande de navets. Ah! Ouais, exact. Non, mais c'est bon du navet. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui est moins bon? Betterave un peu, hein, ça dépend. Pardon? Ça dépend. Cru, bah, tu sais, pas chaud, ben, chauffé, cru. Mettons, comment t'appelles ça? Pas cru, mais bouilli, je sais pas. Ah. Ouais. Ah, c'est parce que t'as jamais mangé mes betteraves! Rôti au four avec ça. Du miel, des épices. Là. Du miel, tu me convaincs. Ou voilà. tu peux substituer avec du sirop d'érable. Tu peux te suicider comment? Tu peux substituer le sirop d'érable. Ok, excuse, oui. Tu peux mettre du sirop. Okay. Tu peux utiliser du sirop d'érable. Si tu préfères. Le verser directement dans la bouche. On était rendu après feu de circulation à Fourchette. C'est ça ben qui oui. Nous a amené à betterave puis au navet puis toute la patente. Ben on a trouvé le nom du film en même temps. Donc est-ce qu'on met les dents vers le haut ou vers le bas? D'habitude ben quand je mange je mets les dents en haut de mon corps. C'est pas ces dents-là. Ben moi les j'en dents ai en haut puis en bas là des dents. Ouais c'est ça. Ça dépend. Michel, OK, dans Michel fond, Barrette, tu veux dire, est-ce que tu mets les dents de la fourchette vers la table ou vers le plafond quand tu la déposes là, avant le service? Ben, moi, je mets vers le plafond. Oui. J'imagine qu'on fait ça pas correct. Oui, sûrement. Non, en fait, il n'y a pas de bonne réponse. Les deux se font. Donc, les dents vers le bas, ça vient de la France. Exact, oui. Autrefois, les hommes portaient des manches en fine dentelle, puis pour pas les abîmer, on mettait les dents vers le bas. Et c'est aussi pour une question de prestige, si on veut, on frappait là, les armoiries de la famille, où on les gravait derrière le manche de la fourchette, donc pour bien les mettre en évidence. Ben, il y avait ça de gravant avant. Ben, c'est le même, tu sais. Mais les Américains mangent peut-être les dents par en bas. Tu sais, on les voit dans les films, ils mangent avec les dents par en bas. Ils piquent comme par en bas. Ouais. Ça arrive souvent. C'est bizarre, ça. Ça doit dépendre des familles. J'imagine. Je veux dire, quand tu l'apprends à ton enfant, c'est pas confortable. Ouais. Faut pas te piquer, tu sais, peut-être. Peut-être. C'est pas. Il y en a beaucoup qui vont manger avec la cuillère par en bas. Ouais. C'est pas super pratique non, si c'est pas collant, là. Ben, c'est pour faire décoller plus la nourriture de la. C'est ça, du beurre de pinot, là, je peux comprendre. Oui, oui, oui. La crème glacée, ça te tombe dessus. Hein? Mais... Ben, t'as pas de la crème glacée assez solide. Choisir ses combats. Ouais, quand même. Les dents vers le haut, ben ça, c'est originaire d'Angleterre, en fait, parce que les hommes portaient des manchettes de toile ou de batiste, donc moins fragiles que la dentelle. Ils portaient des toiles de batiste, on dirait genre un peintre qui aurait vraiment comme fait un habit de peinture. Ça serait magnifique. Oh oui. Et on met la fourchette à gauche là, quand on place là, nos trucs sur la table. Le couteau à droite, parce que la plupart sont droitiers. Et si vous voulez éviter les accidents, normalement, on met le tranchant vers l'intérieur. Ah, là. Ben oui. Aussi. Bon, on regarde notre technique des Anglais, c'est ça? Au Québec. Ça, c'est les dents vers le haut, ouais. Le haut. C'est ça. Ouais. La fête des mères. Pourquoi pas? Hein, quand même. Le deuxième dimanche de mai, c'est ça? En fait, c'est l'origine ou l'historique de la fête des mères. Oui, exactement. Deuxième dimanche de mai, c'est bon, c'est bon. Moi, je m'en rappelle jamais. Tu sais, c'est quand la fête c'est des mères. C'est n'importe quoi. Il faudrait que ce soit une date précise. Ben, deuxième dimanche de mai, c'est précis. On met une date comme genre le 2 mai. Ouais, mais c'est parce que si c'est le mercredi, ils peuvent pas être fêtés. Ah, c'est vrai. Ils travaillent, je pense. Ben, c'est ça. Donc, dès l'Antiquité, on fêtait déjà les mères. Au printemps, les Grecs honoraient Rhea, la mère de Zeus, qui était le symbole de la fécondité. C'est elle, grâce à elle, qu'on a nommé ça les Rhea quand... C'est ça, j'imagine. C'est ça son nom? Oui, oui, oui, merde. C'est ça. Ouais, c'est... Et à Rome, au calendrier de mars, donc l'équivalent des fêtes de fin d'année, là, qui pour eux duraient quand même 10 jours, des grosses fêtes, on célébrait les Matronalia, donc du latin matrona, qui veut dire mère de famille. Le christianisme, quand il est arrivé, lui, dans le tas, il a substitué tous les rituels païens pour le culte de la Vierge Marie, la mère par excellence, selon le christianisme, sans toutefois lui donner une fête en tant que telle. Donc, c'est un peu tombé dans l'oubli. La Grande-Bretagne, au 17e siècle, est revenue à la charge avec les Mothering Sunday, donc le quatrième dimanche de carême. Les enfants sont placés comme des domestiques pour aider leur mère. Ils étaient tout habillés coquets, là, puis avec des petits trucs blancs en dentelle, et ils aidaient maman à la maison. Napoléon Ier, quand il arrive en Grande-Bretagne, puis il voit ça, il dit « Oh, c'est donc bien cute! » Fait qu'il décide qu'il veut ramener ça en France, mais malheureusement, Napoléon n'a pas d'influence à ce niveau-là, alors il n'y a pas de suite. Et c'est encore une fois aux États-Unis, une institutrice appelée Anne Jarvis qui va mener campagne pendant de longues années pour qu'un service religieux soit rendu le deuxième dimanche de mai en l'honneur des mères. Pourquoi cette date-là? Bien, probablement pour rendre hommage à sa propre mère, fondatrice des Mother's Day Work Clubs, avant la guerre de sécession qui était décédée un deuxième dimanche de mai. Et donc, c'est célébré à partir de 1908. En 1914, Woodrow Wilson, le président, décide de rendre ça officiel, donc fête nationale. Et pendant la Première Guerre mondiale, les soldats américains envoient des cartes aux mères de façon massive, donc bon, ça devient de plus en plus connu. C'est quand même bon, hein? C'est toujours pas férié, cette histoire-là. Ben non, c'est dimanche, ouais, ça change rien. C'est bien. C'est ça. Puis quand la guerre se termine en 1918, ben à cause de l'hécatombe, toutes les morts qu'il y a eu, bon ben là, la fête des mères vraiment devient de plus en plus populaire pour valoriser la natalité aussi. Donc voilà pour la fête des mères. Puis tant qu'à parler de fête des mères, ben on va faire son pendant masculin, ah, hein, oui. La fête des pères. Troisième dimanche de juin. Exact. Hein? Wow! Ouais. Je sais pas pourquoi ils auraient pu faire le deuxième dimanche de juin. Pour un peu ça, donner ça le même logique. Genre, puis le mois suivant. Donc, c'est encore une fois aux États-Unis. La mère de la fête des pères se nomme Sonora Smart Dodd, qui habitait à Spokane, dans l'État de Washington, en 1910. Elle voyait depuis quelques années donc que la fête des mères était là, hein, depuis 1908. Puis c'était populaire. C'était populaire. Puis elle voyait qu'il y avait des sermons en l'honneur de la fête des mères. Puis elle disait, hey, là, elle était en colère. Elle dit, pourquoi qu'il n'y a rien en l'honneur des pères qui mérite autant d'être célébré que les mères? D'autant plus qu'elle, dans sa famille, sa mère était décédée après avoir donné naissance au sixième enfant de la famille. Puis son père était devenu veuf, puis il avait réussi à quand même bien garder l'esprit de famille puis à s'occuper de tout le monde. Fait qu'elle voulait rendre honneur à son père, William Jackson Smart. Donc, elle décide, elle, puisqu'il est né le 5 juin, elle décide que ça va être le 5 juin. Mais là, les pasteurs de Spokane, la ville de Washington, voyant la date arriver, font « Wow, wow, on n'aura pas le temps de préparer notre sermon à temps. » Donc, eux décident que ça va être le 19 juin. Puis encore une fois, le président Wilson de tantôt, arrive en 1916 pour faire un discours dans la ville de Spokane. Puis, lui décide bon, qu'il faudrait faire des démarches pour que ça devienne plutôt une fête nationale, comme la fête des mères. Le Congrès s'y oppose d'abord, voyant que ça pourrait devenir commercial, surexploité. Ouais, puis voir la fête des fils, puis des filles, des petits cousins de troisième degré. Ça pourrait donner lieu à toutes sortes d'autres fêtes. Donc, Madame Smart Dodd continue à se battre bec et ongle, comme on dit. En 1966, Lyndon Johnson, le successeur de Kennedy, proclame officiellement la fête des pères. En 1972, la date est arrêtée. C'était long! Donc, ouais. Ça y en a pris du temps. Alors, c'est maintenant célébré dans une trentaine de pays. Donc, William Jackson Smart, là. On dirait une sorte de cigarette avec plus de fibres, tu sais. Comme les nouvelles Jackson Smart. Comme les Paul Smart. Ah, avec plus de fibres. Ouais, plus de fibres. Moi, c'est Spokane. Ouais. C'est pas une toune d'Eric Clapton, ça? Spokane. Avec un hurricane. Ouais, Roxanne. Après, c'est Spokane. Non, c'est Eric Clapton. Eric Clapton. Cocaine. C'est pas, ouais, non. Cocaine, non. C'est pas. Mais en parlant de musique, tu connais pas ça. Je connais pas assez la musique. Je connais pas grand-chose aussi. Parlant de musique, on pourrait prendre une petite pause musicale. Ben pourquoi pas? Donc, un petit peu de Mimi Van Der Glo, mon petit côté romantique ressort ce matin avec la bonne toune Accident de char. Est-ce que tu vas nous choisir du Mimi Van Der Glo à chaque chronique pour faire comme un genre de petit running gang? On verra. Assemblage Rocky, c'est le vieux running scénaire. Camille Vanderlo et Accident Char à Assemblage Requis. C'est toujours le vire électionnaire. On était en plein milieu de la lettre F, deuxième partie. Ou première, si on parle de la fin, c'est mêlant, mais c'est comme ça. Donc, lettre F qui continue. Oui, donc, les frères Siamois. Oh, frères Siamois. D'où ça vient l'appellation des frères Siamois. Une race de chat. Ouais. Donc, en fait, c'est les jumeaux fusionnés Eng et Chang Bunker qui avaient entendu dire au 19e siècle qu'il y avait une opération en France qui pourrait les défusionner. Fait qu'ils se sont dit, tiens, tiens, on va faire le voyage jusqu'en France. Mais malheureusement, un coup rendu là-bas, l'opération s'est avérée impossible. Est-ce que tu sais, ils étaient fusionnés de où? Non. Ça le dit pas? Ben, en fait, c'est juste parce que j'ai pas l'image avec moi, mais sur mon image, on le voyait bien. Je pense que c'est par la taille. Je pense que c'est la taille. Ouais, ouais. Je pense que ça ressemblait vraiment au film. C'était ça, là. Les frères à moi, tu sais. Tu sais, le film avec les frères, Je sais pas. Mauvais film comédie des années 90, non? Non, comme ça. Aucune idée. Laissez faire. Donc, quoi qu'il en soit, même si l'intervention chirurgicale n'a pas pu être faite, ben, ils ont été tellement reconnus. On a entendu beaucoup parler d'eux. Et ils venaient de la région du Siam, alors on les a appelés les frères Siamois, et c'est resté depuis. C'est-tu eux, Craig et Hank Bunker, c'est ça? Oui, exact. Comment la taille? Oh, beau tuxedo! Ouais, chic quand même. Moi, quand j'étais petite, je sais pas si vous connaissez Abigail et Brittany. Ils ont fait vraiment le tour du monde, elles aussi, là, dans les années 90. Puis j'avais vu ça quand j'étais petite, puis j'étais fascinée. Ah. Puis elles sont encore en vie, là, ces deux petites filles-là. J'étais deux petites filles parce que ça me perturbe. C'est un petit peu plus épeurant quand je vois ce squelette. Je sais pas, hein? Ouais. Range tes rayons X. J'étais pas dans la loupe. Allez sur Wikipédia, à la page jumeaux siamois, ces deux photos-là qu'on vous montre à la caméra 3. Hein. Ouais, quelque chose. Ensuite, tout autre ordre d'idée, on change. On était dans les mères, les pères, les frères. Donc maintenant, fauteuil et chaise, ou plutôt fauteuil. Fauteuil, pas d'un F quand même. Alors, les fauteuils sont composés de quatre parties. Donc, d'abord, le piétement, généralement composé des quatre pieds, parfois renforcé d'une entretoise. Ou sinon de piètre qualité, hein, comme on dit. Oui, qui c'est genre, quand on tombe à terre. L'assise, évidemment, là où on s'assoit. Ça, c'est un genre de chien, je pense, aussi, l'assise. J'arrête de t'interrompre. Donc, la profondeur peut être comprise entre 50 et 55 cm. Le dossier et les accotoirs, ou qu'on appelle communément les accoudoirs. Les bras. Le vrai nom, c'est accoudoirs. Accotoirs. Les bras. Alors, jusqu'à l'époque moderne, le seul siège qui vaille est le trône du roi. Là. Bon, il n'y avait pas d'autres fauteuils, si on veut, et c'est un peu l'ancêtre du fauteuil tel qu'on le connaît aujourd'hui. Au Moyen Âge, les bains étaient répandus dans nos espaces privés. Seul le maître avait le droit de s'asseoir sur le fauteuil avec les bras, là, donc pour avoir tout son prestige. Et le tabouret était alors l'autre siège le plus prisé parce qu'on se rapprochait de la hauteur du maître des lieux. Oui, tout le monde sait qu'un tabouret, c'est super confortable. Eh bien oui, écoute, donc le tabouret. Donc, le fauteuil l'emporte sur la chaise en termes de représentation du pouvoir, mais a été détrôné avec les années par le canapé, ben oui, qui est devenu beaucoup plus confortable. Ouais, manger couché comme les Romains. Ouais, confortable. Le French Cancan! Elle est froufrou là-dedans, hein? French Cancan, oui, les froufrous et tout. Alors, au début du 19e siècle, il y avait des bals publics, mais aussi des bals privés. Et on pratiquait dans les bals privés ce qu'on appelle la danse du chahut ou du chahut cancan, qui est devenu ensuite le cancan ou le coin-coin, qui était alors une danse en couple. Donc, les femmes la dansent de manière très osée, même licencieuse. Donc, elles portent des longues robes avec des légers jupons sous lequel elle porte une culotte fendue. Alors, quand elle lève la main, ça devient quand elle lève la jambe, ça devient une danse très érotique puisque la culotte est fendue. Donc, c'était très mal perçu, hein, parce qu'on disait que c'était les femmes de mœurs légères qui dansaient ça. Alors, une danseuse du célèbre établissement de danse Le Bal Mabille, appelée Céleste Mogador, décide d'en faire plutôt une danse de groupe où les femmes sont enlignées, là, avec la fameuse symbole de la cuisse remontée, là, avec tous les jupons relevés et tout. Et le Moulin Rouge, évidemment qu'on connaît bien, s'en empare dans les mêmes années, là, à peu près, au début du 19e siècle. Et c'est une danseuse nommée La Goulue, une célèbre artiste du Moulin Rouge, hein, tout le monde la connaît, la Goulue. Ouais, la Goulue. Qui va lui donner ses figures principales. Donc, il y a plusieurs figures de danse qu'on utilise qui relèvent du vocabulaire tantôt militaire ou tantôt des jeux enfantins comme le port d'armes, la mitraillette, l'assaut, le pas de charge. Et du côté enfantin, il y a le saute-mouton, les petits chiens, etc. Donc, évidemment, dans les règles, c'est aussi une danse qui est strictement féminine. Il faut être très souple pour pouvoir s'envoyer la jambe dans le front, hein? Donc tout en dansant le French cancan. Et Nini Patenlère, en 1894, elle va commencer à l'enseigner aux femmes qui veulent l'apprendre au Moulin Rouge. Ça a de la classe, hein? Son vrai nom? Nini Patenlère, ah, ouais. C'est son nom de danseur. Oh, ouais, ouais. Ça devait être peut-être cuisse, hein? Cuisse de velours. Alors, le French Cancan va être exporté à l'étranger par un producteur anglais nommé Charles Morton pour aguicher les anglophones et leur montrer ce qu'est la liberté sexuelle à la française. Donc, la danse symbolise les excès de la capitale française, le sentiment d'insouciance et la joie de vivre. Alors, pour certains, c'est devenu un symbole des premières amours de libération sexuelle et d'émancipation de la femme. Donc, plus que les jeunes femmes frivoles, là, quand même, associées au French Cancan. Qui l'aurait cru que tout ça était derrière le French Cancan? Oui, hein, pas pire. Ben, pour terminer, je m'intéresse toujours, avec la lettre dans laquelle je suis, à des mots de vocabulaire spéciaux ou inusités. Un peu en rafale, genre. Oui, en rafale. Ouais. Donc, j'en ai choisi juste 4 là, pour ce matin. Évidemment qu'il y en avait beaucoup d'autres. Donc, le mot fable qu'on connaît tous, mais associé à une personne. Jean Lafontaine. Ben, genre, quand tu dis quelqu'un, ou je dirais Mathieu, c'est une fable. Ah, j'ai jamais entendu ça. Une fable? Ouais. Associé à une personne. Alors, c'est une personne qui... Là, c'est malheureux, ça a tombé sur toi, là, mais oui. Qui est l'objet de propos railleurs. Hein? Donc, quelqu'un... Ah, ça tombe là, tout à sur lui. Sur qui on se moque, là, de qui on se moque. Donc, on peut dire ça, que cette personne-là, c'est une fable. C'est malheureux, hein? C'est ça aurait été bien plus fun que ça soit... Tu sais, quelqu'un qui a des qualités. Mais il me semble que c'est positif, une fable. Ben ouais, c'est ça. Pas. Fait que si on virait ça un peu plate. Toujours dans un mot qu'on connaît, associé à une personne, un faisan. Comme l'animal, l'oiseau. Si un cerveau. On dit que quelqu'un est... Ah, oui, ça pourrait être ça. Encore moi, ça. Non. On n'a rien dit, nous autres. On peut être plus personne, là, c'est fini. Donc, en fait, c'est un individu qui vit d'affaires louches. Ah? Fait qu'encore là, le lien avec l'oiseau... C'est sûr que c'est louche, un faisan. Ouais, ça doit être ça. On ne sait pas dans quelle direction il va partir. Toujours pour une personne, quand on dit quelqu'un est fessu... Bon, là, fessu. Vous devez vous en dire. Il y a des grosses fesses. Quelqu'un qui a des grosses fesses comme... Madame Kardashian, hein? On oui. peut penser à Kim Kardashian, ou Nicki Minaj, oui. Hein, qu'on se demande, est-ce possible? Est-ce réel? Tellement que c'est qui énorme. Qui vit là-dedans, oui. Qui vit là-dedans? Peut-être un jumeau, peut-être à moi. Ah, c'est ça l'affaire, une tumeur, on peut pas rire d'elle. J'ai resté pris là. Oh, on va changer de sujet. Donc, et finalement, le mot « flash ». F-L-A-C-H-E, non Flash Garden ou Flash McQueen. Ah, ok, non, je pensais que c'était l'émission pas le à TQS. Super héros, là. Flash non. Donc, Flash du latin flaccus ou mou, c'est l'endroit d'un tronc d'arbre où l'écorce est enlevée et le bois mis à nu. Ah. Donc, plutôt que de dire, pauvre petit arbre bien magané, ben regarde le flash sur cet arbre-là. Hey, personne ne va te comprendre, mais tu vas sembler tellement intelligent lorsque tu l'expliqueras avec ces mêmes tu mots que Véronique Mire. Tu dis, Flash a passé là, ouais. Et voilà, il a fait une flash sur l'arbre. Ah, c'est magnifique. Ça m'a rendu fébrile, je pense. Frétillant. Ça sentait bon comme du Febreze. Mm-hmm. Hein? Puis, à peu près ça. Merci, Véronique. Ben, ça fait plaisir. La semaine prochaine, dans 2 semaines, en fait, bon, on verra. Oui. Bon, on verra. Mais la lettre E sera notre prochaine lettre. Oui. Et fortement, je vous annonce, évidemment, que toutes les prochaines lettres, ça va être en deux parties. En deux parce parties. Que là, on tombe dans les gros morceaux. Le E en 8 parties, peut-être. Ben, je vais me limiter à 2. OK, ça va. Merci, Véronique Mire. Bonne journée. Vous autres aussi. Salut. Au retour, ce sera la chronique de Cindy Gilbert. Activez votre santé. C'est la journée des filles! Yeah. C'est mercredi matin! Yeah. On est de retour dans quelques instants, puis après ça, on dure jusqu'à 9h30. Merci. Fou d'électro. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes à Assemblage Rocky, l'émission matinale en pièces détachées. On est mercredi le 28 janvier. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Ah, merci. Ça me fait plaisir. Oui. On l'a dit tantôt, c'est la journée des filles. On a échangé une femme pour une autre. Et c'est... ça va changer de façon un petit peu. Ça va changer de sujet pas mal. Ouais. Parce que là, on avait du plaisir, on se divertissait, on apprenait des affaires, tu sais. Là, on aura plus de fun, on va rien apprendre, on va être plat. On va se lever puis on va bouger. Oh! C'est Activer votre santé! Cindy Gilbert, bon matin. Salut! Ça va? Hey, ça va bien, vous autres? Oui, yes. Super bien. On est content de pouvoir peut-être bouger un petit peu, même si pendant la chronique, on sait qu'on le voit pas à la maison, mais on bouge. Oui, on fait des jumping jacks. Tout le monde debout, là, on est dedans, nous autres. On sue. Oui. Pareil, comment ça dit bonjour? Pareil! Bouge partout. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, Cindy? Hey, là, ce matin, ça va être un sujet chaud, puis ça va être un sujet qui va principalement t'intéresser, toi, Mathieu. Ouais. Ben, c'est ça, j'ai dit au début de l'émission, j'ai dit que tu avais choisi ton sujet spécialement pour lui. Ben oui, tu disais que c'est un spécial femme ce matin, là. On est dans le vif du sujet. C'est comment... T'as-tu hâte de le savoir? J'ai vraiment hâte. Est-ce que c'est faire des exercices sans bouger du tout? Non. Cherche le lien avec les femmes là-dedans. Une pilule? Non, c'est pas par rapport aux femmes, par rapport à moi, parce que je suis un homme. Mais non. Non. Au malaise, là? J'ai défait ta chronique, finalement. Non, pas en tout. C'est juste parce que ça me prend un petit lien et un petit temps de comprendre les jeux de mots. Ben non, toi, on va parler de l'activité physique durant la grossesse. Ben oui! C'est pour ça que ça te touche! Le lien avec toi, c'est que, hors d'onde, tu m'annonçais que t'étais enceinte, parce que les gens le savent. Fallait pas le dire, non, c'est ça. Fallait pas le dire, mais une fois que c'est dit, là, c'est correct. Bon, j'ai vendu pas. De toute façon, on va s'en rendre compte dans pas long, là, la petite bédaine, elle va apparaître. Je suis enceinte, même que ceux qui sont avec moi sur Facebook, un petit peu, qui sont amis avec moi, je poste tout le temps des cossins de couches, tout le temps en train de liker des espèces de boutiques pour femmes enceintes. Ça devient comme quasiment too much. Bon, c'est clair. Voilà, fait que c'était évident, t'avais pas à nous cacher, on le savait. Alors, voilà. Les sautes d'humeur, et tout ça aussi. Le fait que tu pleures en ce moment, là. Ça explique des choses. Merci. J'ai eu quelques absences aussi pendant le mois de décembre, novembre. C'est à cause de ma grossesse. Puis, tu sais, l'alcoolisme fœtal, là, ça peut être très problématique aussi. La consommation. Oui, déjà, dans son petit panier, il y a du chocolat au cognac. Ah oui, c'est ça. Je veux juste m'empêcher d'en manger. Bref. Bon, fait que la question du jour étant, puis c'est une question qui revient souvent, est-ce qu'on doit arrêter de s'entraîner quand on est enceinte? Ben oui, clairement. T'es alité 9 mois de temps. Ouais, toi, Mathieu. Ouais. Lui, ça y tente, là, d'être alité 9 mois de temps. Non, c'est des exercices moins difficiles, peut-être moins demandantes. Tu peux sûrement faire des activités quand même. Oui, ben, ta réponse, elle s'approche plus de la vérité. C'est rare. Stéphanie, il va falloir qu'on t'explique des affaires. On est, je pense qu'on a échangé nos... Ben oui, c'est ça qui est drôle. Cet automne à Canada. Voilà. Alors, tu sais, si on recule de plusieurs années, là, mettons, on se dit, je sais pas, une centaine d'années, là. Tu tombais enceinte, t'avais un médecin de famille. Déjà, t'avais ça. Mais est-ce qu'il était compétent? Ben, c'est ça. Il se déplaçait à la maison. Il était compétent parce qu'il était pour capable son temps. Il était capable de te soigner, puis il avait déjà une longueur d'avance sur bien des êtres humains dans sa matière à lui. La seule chose, c'est qu'il n'y avait pas autant d'études, il n'y avait pas autant de recherches qui étaient faites sur le sujet. Alors, eux, ils se disaient, enceinte, on ne le sait pas trop. Il y a des fausses couches qui arrivent, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas d'études, il n'y a pas de recherche qui a été faite là-dessus. Puis là, je suis rendue 100 ans avant. Et ils se disaient, on ne prendra pas de chance. La femme enceinte, fais tes tâches. Fais ta cuisine, fais ton ménage, élève tes 12 enfants. Fais plaisir à ton mari. Oui, parce que ça, c'est important. C'est ça. Parce que le médecin de famille devait avoir une femme aussi, il fallait qu'il prône ça. Ben oui, vous la femme pas continue se faire ses activités, mais c'est pas elle qui va aller chasser à la place de son mari pour ramener de la bouffe sur la table. Fait que, on recule de plusieurs années, c'était ça. Fait que, on fait attention parce qu'on ne le sait pas. Maintenant, on le sait. Ou on le sait plus. On le sait moins aujourd'hui qu'on va le savoir dans 50 ans. On va sûrement rire de ce que tu viens de dire aujourd'hui. Oui, c'est ça, dans 50 ans, on réécoute la même chronique et on se dit, mon Dieu. Mon Dieu qu'elle était niaiseuse. J'étais complètement niaiseuse ce qu'elle disait. Mais là, aujourd'hui, avec toutes les études qui ont été faites et tout ce qui a été... Tu sais, les fausses couches ne sont pas en lien avec l'activité physique ou très, très rarement, là. La seule chose, c'est que quelqu'un qui me demande, je suis enceinte, mettons, Mathieu, est-ce que je peux faire de l'activité physique en étant enceinte? Première réponse que je vais vous dire, c'est oui ou non. Oui, mais... avec un mais. Ouais, je dirais même pas oui, je dirais même pas non. Je vais dire, demande l'avis à ton médecin. Ah, OK. Ah. Parce que même si t'as pas de médecin famille, à partir du moment que t'es enceinte, règle générale, c'est sûr qu'il y a un médecin qui va te prendre quelque part. Ils ont pas le choix de faire ton suivi, ils ont pas le choix. Faut que quelqu'un t'accouche quelque part. Fait que vous demandez à votre médecin et lui va être en mesure déjà de faire quelques tests sur vous, déceler certaines possibilités là, de problématiques de s'entraîner en étant enceinte. Alors, ça, c'est déjà la première chose à faire, d'aller voir son médecin. Des fois, c'est des petits tests niaiseux, comme il peut juste prendre ta pression. Il voit que ta grossesse fait augmenter ta pression. On va dire que c'est une des raisons de ne pas faire l'activité physique. T'sais, souvent, ça va être ça, là, des tests qu'il va faire. Il ne va pas te plugger comme un rat de laboratoire dans une cage, là, mais il va te poser des questions, puis ça va aligner sa décision, finalement. Il reste qu'il y a quand même des contre-indications qu'on dit absolues, que c'est sûr que dans ce cas-là, le médecin va t'arrêter, t'entraîner, va dire non, toi, tu ne t'entraînes pas pendant ta grossesse. Puis je peux vous en nommer quelques-unes. C'est sûr que si vous souffrez de maladies cardiovasculaires ou de maladies au niveau des poumons ou de haute pression, comme j'ai dit, ça va être une problématique. Le médecin va sans doute vous arrêter de vous entraîner. Ensuite, si vous avez des saignements persistants, fait que si tu saignes de façon persistante, Mathieu... Non, pas encore. Du nez. Quel orifice? C'est sec chez nous. C'est pas ma faute. Si vous souffrez de pré-éclampsie, ça, c'est une forme de haute pression mm-hmm. qu'on a pendant... qui peut se développer pendant la grossesse, ça, c'est sûr, automatiquement, le médecin va vous arrêter. Okay. Si le diabète de type 1 est mal maîtrisé, c'est une autre raison qu'on arrête complètement l'entraînement, hyperthyroïdie mal maîtrisée, travail prématuré de la grossesse et membrane rupturée et d'autres raisons comme ça, c'est des raisons absolues de dire, toi, dans ton cas, tu ne t'entraînes pas. Mmh. Mais encore là, c'est pas votre entraîneur, c'est pas votre nutritionniste, c'est pas votre prof de cours en groupe qui va vous dire, oui, toi, tu peux t'entraîner. Première chose, c'est demande à ton médecin. Ça, c'est les raisons, les contre-indications absolues. Il y a des contre-indications relatives qu'on dit que ça va dépendre. Puis encore une fois, c'est votre médecin qui va vous guider là-dedans. Si vous faites de l'anémie, tu sais, de l'anémie qui va être diagnostiquée par votre médecin, va dire, dans ton cas, c'est correct, ça va te donner de l'énergie de t'entraîner. Ou dans ton cas, non, tu fais de l'anémie, ça pourrait devenir problématique, on s'entraîne pas. Fait que ça, c'est relatif, ça va dépendre de la décision du médecin. Obésité morbide, quelqu'un qui a un très grand surplus de poids, qui est enceinte, qui a certains médecins, va dire, non, dans ton cas, ça pourrait être dangereux de faire de l'activité physique. Alors, voilà. Et aussi, les gens qui souffrent de sédentarité extrême. C'est une souffrance, cette sédentarité extrême. Là, le médecin va dire non, tu ne fais pas d'activité physique. Ça va souvent avec morbidité. Oui. Puis tu sais, déjà en partant, quelqu'un qui souffre de sédentarité extrême va aussi, tu sais, il ne s'entraîne pas, visiblement. Il est sédentaire. C'est ça. Et l'autre question qu'on va poser, c'est si je suis sédentaire, est-ce que je peux commencer à m'entraîner? T'sais, selon vous, c'est-tu un bon moment pour commencer à s'entraîner? Moi, je pense que oui, mais de si on a justement les recommandations du médecin qu'on peut, ben, de justement écouter son corps, commencer à son propre rythme. Graduellement, oui. Tu sais, la réponse est encore floue à ce niveau-là parce que, tu sais, c'est ça, oui, l'avis du médecin, mais c'est sûr que c'est pas le temps de s'embarquer dans quelque chose de complètement nouveau. T'as jamais fait de ski de fond, va pas faire du ski de fond. Mm-hmm. C'est une mauvaise idée de commencer un nouveau sport, mais mettons que t'es un humain. Puis là, je regarde en dessous de la table, t'as deux jambes. Oui. Je crois que les humains n'ont pas tous deux jambes. C'est ça, oui, mais tu sais, des fois, c'est un prérequis pour initier la marche, d'avoir deux jambes. En tout cas, ça l'aide. Tu sais, t'es habitué de marcher dans ton quotidien, dans le sens que peut-être que tu prends pas des marches de 15-30 minutes par jour, mais que tu te déplaces. Ouais. Tu peux quand même, puis tu dis, je suis quelqu'un de sédentaire qui fait pas d'activité physique, tu pourrais quand même te mettre à faire de la marche. Ton corps est habitué. T'as le goût de danser sur place dans ton salon parce que la musique est bonne. T'es pas obligé de te mettre à faire des jumping jacks en le faisant, mais tu peux danser. Tu sais, tu peux exister quand même si t'es sédentaire. Puis oui, c'est bon de commencer à bouger, mais il faut y aller très, très, très progressivement quand même. Vous n'êtes pas en danger de mort quand même, mais on fait attention, commencez pas un nouveau sport ou une nouvelle activité si vous êtes sédentaire. Puis que là, vous dites, oh, je suis enceinte, je vais prendre du poids, il faut que je me mette à bouger. C'est pas le bon moment. Mais on part dans rien d'extrême. Rien d'extrême. Tu sais, le delta plane est un mauvais choix. autre chose aussi, comme contre-indication relative, le tabagisme important. Important encore là, qu'est-ce qu'il veut dire par important? Peut-être que ça peut dépendre quand de la condition. Quand c'est important pour toi. Oui, c'est très important pour moi. Ça veut dire en termes de quantité. Okay. ça pourrait être une des raisons que le médecin pourrait dire, dans ton cas, non. Mm. Puis il y en a d'autres que ça va être l'inverse. Ça veut dire, ben justement, tu fumes, tu bouges pas, peut-être que ça serait une bonne idée de prendre des grands moyens. C'est ça, ça serait peut-être le moment d'y penser. déformation. Là. De... Oui, voilà. Quand tu fumes un paquet de Jackson Smart par jour, extra fibre. Ouais, ça, j'ai manqué le cue tantôt. Ouais, c'est ça, ben, c'est un bon gag. OK. Il était ouais, bon. Ouais. Ben, voilà. Récupera la balado. Et aussi, à l'inverse de l'obésité morbide, si votre poids est insuffisant. Tu sais, un IMC, là, l'indice de masse corporelle, ouais. Combien qu'on devrait se situer par rapport à notre grandeur, par rapport à notre poids. L'idéal étant de 18 à 25. Ça, c'est le chiffre magique. Là. Les femmes qui sont... ben là, je dis les femmes, excusez-moi, Mathieu, là, mais en dessous de 12. Je le prends pas mal. Je pense que c'est mais c'est la même chose. C'est plus ouais. Les femmes. Oui, ouais. Mais un peu plus. Ils sont un peu plus conservés. Ouais. Alors, un IMC en bas de 12 aussi. Fait que ce serait pas l'idéal non plus de faire l'entraînement. Je suis ni une femme, ni un IMC en bas de 12. C'est correct. Alors, puis il y a des signes quand même que tu dis, bon, ben là, moi, je m'entraîne, mon médecin me dit oui, tout est correct, mais tu sais, on le sait pas, là, tu dis pas ton médecin à toutes les 24 heures, là. Tu sais, il y a des choses qui peuvent se passer entre-temps, dire, est-ce que je devrais retourner consulter, est-ce que je devrais arrêter mon entraînement à ce moment-là? Il y a des petits signes quand même qui peuvent être le fun à savoir. Il y en a qui sont évidents, il y en a qui sont peut-être un peu moins évidents, là. Si vous avez des saignements, avoir des saignements durant une grossesse, là, c'est quelque chose qui peut être normal. Mais okay. Si vous avez, ça peut être normal comme ça peut être problématique. Fait que si vous avez des saignements, là, partez pas en pleurant, en courant, en calant l'ambulance. Là, vous pouvez tout simplement non, appeler. Surtout pas en courant. Surtout pas en courant. Tu cours jusqu'à l'ambulance qui t'attend à la porte. Mais ça peut être bon quand même de consulter. Juste connaître les causes du saignement. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Des fois, ça peut être normal. Mais si vous avez des saignements, c'est une bonne idée d'aller consulter et d'arrêter. Surtout si vous avez des saignements au moment de votre entraînement. Dites pas, il me reste juste une demi-heure dans mon cours, mon frère et moi. Si vous avez des difficultés respiratoires, tu sais, difficultés respiratoires, on parlait d'étourdissement, des maux de tête inhabituels, des fatigues musculaires inhabituelles. Quand vous êtes enceinte, c'est sûr que ça va être un peu plus exigeant de vous entraîner. Ça, vous allez en prendre conscience, mais est-ce qu'il y a quelque chose de complètement inhabituel? Tu sais, une difficulté respiratoire, là, ça veut pas dire d'être un peu plus essoufflé, ça veut dire d'avoir de la difficulté à respirer. Mm-hmm. Même chose au niveau des exercices musculaires, c'est une douleur musculaire importante, c'est peut-être un signe que c'est cet exercice-là ou l'activité physique que tu as choisi, le sport, n'est plus un bon choix. Parce que ça peut se promener dans le 9 mois. Là. Ça peut être très bien au début, mais à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Fait que tout ça, c'est des signes comme quoi que ça peut être une bonne idée de réviser son choix et ou d'en parler à son médecin. Travail prématuré, des contractions. Les fausses contractions. Toi, Mathieu, qui est là-dedans là, un peu, là, c'est quoi le nom de ces fausses contractions-là? Les fausses contractions? Ouais. Stéphanie, t'as-tu une idée, toi? Le pire, c'est que parce que j'en ai eu de ça. Cette semaine. J'en ai eu de ça. Puis là, t'as l'impression, tu dis, mon Dieu, mais suis-je en train de débuter mon travail de grossesse, pas de grossesse, mais d'accouchement, mais c'est des fausses contractions. Encore là, on peut pas les diagnostiquer nous-mêmes. Il faut aller voir le médecin. Si t'as des contractions, quand tu t'entraînes, c'est bon d'aller voir si c'est un vrai travail. Hey, merci, Stéphanie, ça en va pitonner, hein, parce que le mot est sorti de la tête. Fait que c'est bon, encore là, d'en parler avec ton Braxton médecin. X. Braxton X. Ouais, voilà. Oui, elle chantait des tunes aussi. C'est ça. Elle a une belle voix. Elle crie. Perte de liquide amniotique. Tu sais, c'est une flaque qui coule entre les deux jambes, là, pendant ton entraînement. C'est ni du sang, ni du pipi. C'est ça. Fait que ça peut être une bonne idée de dire, ah, bien, finalement, je pourrais peut-être arrêter mon entraînement pour aujourd'hui, aller consulter. Fait que c'est toutes des raisons de dire, tu sais, c'est des signes avant-coureurs de dire, bon, ben là, je fais mon entraînement, je pourrais peut-être me permettre d'aller consulter. Ensuite, des bienfaits au niveau de l'activité physique pendant la grossesse. Ça, on parle de tous les risques. C'est sûr, il fallait que je commence par ça, parce que même si je dis aux gens, il faut continuer. Le but là, de tout ça, c'est de dire, oui, le plus possible, il faut continuer. Parce que, ou commencer même à un rythme, là, à un faible rythme, parce qu'il y a des bienfaits. Il y a des bienfaits de faire de l'activité physique pendant la grossesse. OK, on fait pas ça pour rien. Là. Pas pour rien. Pas juste pour bien pareil. Voilà. Y a des, puis je suis sûre que vous en connaissez, des bienfaits. Des bienfaits de faire de l'activité. À quoi ça pourrait servir? Un meilleur sommeil. Oui. Déjà, C'est bon. Tu sais, améliorer, puis tu sais, le point que t'amènes, c'est bon, améliorer la fatigue qu'on a. Mm-hmm. Quand on tombe enceinte, je sais pas, Mathieu, si tu te sens déjà comme ça. Quand on tombe enceinte, moi, les 3-4 premiers mois, là, j'ai eu l'impression que je m'étais fait rentrer dedans par une vanne. Je suis tombée fatiguée. Puis pourtant, je suis quelqu'un qui a de l'énergie à revendre. Hein. Là, c'est mon petit fœtus prenait beaucoup de main. Il suçait tout mon jus et j'ai été fatiguée. Ça prend des siestes. Oh, ça prend des siestes. Il faut apprendre à écouter son corps. Tu sais, ça, c'est sûr, parce que tu dis, il y en a qui seront pas fatigués du tout, ils vont avoir beaucoup plus d'énergie. Il y en a à l'inverse. Puis ça va dépendre, ça va se promener. emmener dans la grossesse. Règle générale, la fatigue va être plus dans les 3 premiers mois. Moi, je me disais, yes, j'ai atteint mon 12 semaines. Demain matin, je vais péter le feu. Ben non, dans mon cas, ça a duré 16 semaines. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, il n'y a pas un être humain qui fait pareil, puis il n'y a pas une grossesse de fait pareil non plus. Fait que c'est sûr que l'entraînement, le fait de bouger, ça va vous sortir un peu du cercle vicieux de je suis fatiguée, fait que je bouge moins, je dors plus, je prépare moins mes repas, j'ai moins d'énergie, puis bon, ça, c'est, tu sais, une roue qui tourne. Le fait de dire, ben, je vais m'emmener quand même, je vais me forcer à aller prendre une marche à l'extérieur, ça va, tu sais, quand même raviver votre vitalité, puis activer un petit peu votre énergie. T'sais, il reste qu'il faut quand même y aller puis écouter son corps, parce qu'il y a des périodes plus difficiles que d'autres dans la grossesse. Mais grossesse ou pas, ça donne déjà plus d'énergie, donc pendant la grossesse, c'est encore plus apprécié, j'imagine. Oui, hein? Oui, vraiment. Puis, on parle de grossesse, mais on parle aussi, une fois qu'on a accouché, tu sais, le bébé, là, ça prend un petit temps avant qu'il fasse ses nuits, à moins que tu aies tombé sur le jackpot. Là. Fait que là, tu dis, je suis fatiguée, fait qu'à chaque sieste, je vais dormir, tout ça. Oui, mais si tu intègres l'activité physique aussi, ça va t'aider. Ça va t'aider à améliorer la qualité de ton sommeil, puis ça va te donner, oui, de l'énergie plus dans la journée. Fait que, tu sais, ça te demande de l'énergie d'aller t'entraîner, d'aller bouger, mais ça va te donner de l'énergie aussi. Fait qu'au niveau de la fatigue, oui, ça, c'est un bon avantage. Il y en a d'autres. Quels sont les autres bienfaits de faire de l'activité physique? Je sais pas. Peut-être prendre moins de poids pendant la grossesse, je sais pas. Oui, c'est bon. Oui. Parce que il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau de la femme, puis je vais t'expliquer. Là, je dis la femme, puis là, il y en a qui vont écouter, ils vont dire, moi, je suis pas une même. Bien, tant mieux si vous êtes pas de même, mais mettons une grosse majorité, là. On a un mot qui revient souvent, le sentiment de culpabilité. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose d'intense que les hommes peuvent avoir, mais chez la femme, c'est quelque chose d'intense. On va pas aller s'entraîner pendant une semaine de temps, là, ouf, on va se sentir coupable. On va manger une poutine, on va se sentir coupable. On va tout ce qu'on fait, tu dis qu'on n'est pas supposé, on a le sentiment de culpabilité qui embarque. On va manger un steak, on va se sentir c'est coupable. C'est ça. Puis tu sais, ce sentiment... Ah, hey, ça, c'est un jeu de mots avec un couteau, là, ouais, parce que j'ai vu le geste. Là, merci, oui, voilà. C'était visuel un peu. Hein. Oui. Quelle caméra qui repart tes gestes? C'est la 3. Toujours la 3. On a juste une caméra, on l'a nommée la caméra 3. Ah, bon, ouais, la 1 et la 2 sont pétées depuis longtemps. Non, voilà. On a un budget restreint quand ben même. Voilà, OSBL. Ouais. Fait qu'on parlait de quoi, donc? Trois-Rivières, grossesse? De grossesse et de coupable, se sentir coupable. La femme se sent coupable. Ah oui, la femme se sent coupable. C'est un couteau à double tranchant. Oh. Le fait de se sentir coupable, ça nous remet sur le droit chemin, dans une bonne traque. Mais en même temps, tu dis que ça apporte un sentiment négatif. Mm-hmm. Là, l'affaire, c'est que quand on tombe enceinte, souvent, le sentiment de culpabilité va prendre le bord. Tant mieux, parce que c'est quelque chose de négatif quand même en soi, mais en même temps, tant pis. Parce que tu dis, là, je me sens plus coupable. Là, j'ai faim, je vais manger, je suis enceinte, c'est pas grave. Tu peux ouvrir ton appétit en disant, c'est pas grave, je vais manger. Je suis enceinte, c'est pas grave, là, je vais engraisser, c'est pas grave, je suis fatiguée, c'est pas grave, je suis enceinte, je bougerai, je vais pas m'entraîner, c'est pas grave, je suis enceinte. Toutes les c'est pas grave, je suis enceinte, toutes les le sentiment de culpabilité que là, on a de moins en moins, fait en sorte qu'en dedans 9 mois, on peut prendre du poids d'une façon incroyable. Mm-hmm. C'est facile de mettre ça tout sur le dos de la grossesse, oui. Puis dire, tu dis, je suis pas gros, je suis enceinte. C'est sur le ventre de la grossesse. C'est pas une banane de bière. Je suis enceinte. Fait que tu sais, c'est dire qu'il faut quand même garder ça en tête parce que après, on va le perdre. Là. On va avoir à le perdre, ce poids-là aussi, pour ramener dans notre poids santé. Mm-hmm. Fait que tu sais, c'est sûr qu'au niveau du maîtrise puis du contrôle de la perte de poids, c'est un gros, gros plus. Fait que oui, c'en était un bon. Diminuer les risques de diabète de grossesse. C'est sûr que le diabète de grossesse va aller avec votre alimentation, avec le niveau d'activité physique aussi. Fait que quand on est pogné avec cette problématique-là enceinte, puis qu'il peut avoir après ça que ça découle sur notre bébé, puis sur sa santé future, c'est un affaire qu'on peut éviter aussi. Aider notre travail au moment de l'accouchement. Ah! Tu sais, si t'as un bon cardio, si t'es fort, si t'as une bonne résistance, pensez-vous que ça va aller mieux de se faire un entraînement? Là, moi, je compare un accouchement à un entraînement intense de 12-24 heures. Tu sais, c'est dur, là, c'est intense pour le corps. Ça va être beaucoup plus facile de faire l'accouchement, de résister puis de survivre à cet entraînement intense-là si vous êtes déjà en forme. C'est pas fou parce que même quand je m'étais fait enlever les dents de sagesse, le chirurgien, il m'avait demandé « Est-ce que tu t'entraînes? » Oui. Ben continue, ça va t'aider à guérir plus vite, supporter l'opération. Ouais. Donc, si pour des dents de sagesse, ça marche, je pense pour l'accouchement, c'est tout à fait logique. Tu sais, durant l'accouchement, tu as des abdominaux forts, ta poussée va être plus importante, tu vas avoir plus de facilité à respirer pendant ton accouchement si tu as appris à respirer pendant tes exercices, pendant ton entraînement. Fait que ça, c'est tout des plus aussi que tu peux gagner. Puis après la grossesse, après l'accouchement, bien là, c'est sûr qu'après ça, pour pouvoir récupérer, c'est comme récupérer n'importe quelle chirurgie, plus que tu es en forme, meilleure va être ta récupération. Fait que meilleure va être ta patience, ton énergie, tout le reste avec ton nouveau bébé aussi. Fait que c'est pas super. Ah ouais, ça fait du sens, ça fait du sens. Ensuite, bon, maintenant, je parlais de éviter le diabète de grossesse, mais éviter aussi tout ce qui est haute pression pendant la grossesse. Ouais. Fait que ça peut aider aussi. Fait que, tu sais, des bienfaits de l'activité physique, il y en a une tonne. Il y en a une tonne. Mais, tu sais, je vous ai nommé quand même les principaux, là. C'est quand même le fun de savoir si ça sert à quelque chose. C'est pas juste pour l'apparence, ça sert à quelque chose pour la santé, là, en général. Il y a des particularités à chacun des trimestres. Tu sais, le premier trimestre, tu sais, une grossesse, c'est 3 trimestres, là. C'est 9 mois, là, voilà. Comme une session d'école. Le premier trimestre, le premier un tiers, le volume sanguin dans notre corps est augmenté. Fait que finalement, on a plus de sang dans notre corps. Notre cœur doit pomper plus pour pouvoir circuler, faire circuler tout ce sang-là pour pouvoir en fournir au bébé et tout ça. Alors, à ce moment-là, nos fréquences cardiaques vont être augmentées au repos. Fait que notre cœur bat plus vite au repos. On est plus essoufflé au repos. On va faire une phrase complète. On va être plus essoufflé en parlant, même si on est assis. Mmh. Alors, au moment de l'activité physique, c'est sûr que ça va être augmenté aussi. D'où l'importance d'y aller à notre propre rythme. Quand vous faites des activités cardio, là, de respecter votre souffle, être capable de parler en même temps, c'est des bons signes de dire que vous êtes dans votre bonne zone de Donc, cardio. Donc, ça se peut que du jour au lendemain, ton entraînement, ça soit pas la même chose, t'es pas la même endurance. Oui. Ça peut varier beaucoup. Là. Fait qu'au niveau de ton souffle, tu dis, voyons, je suis bien essoufflée. C'est normal, tes fréquences cardiaques au repos sont plus élevées. Mm-hmm. Ça, c'est dans le premier trimestre qu'on le ressent le plus, mais c'est sûr que les fréquences cardiaques restent quand même élevées tous les trimestres. Le deuxième trimestre, on est habitué à notre première condition, les fréquences cardiaques. On s'est habitué un peu à ça. Le corps s'est conditionné à ça. Notre énergie, règle générale, augmente en deuxième aussi. On n'a pas pris encore beaucoup de poids. C'est le moment idéal pour ceux qui disent « Bon, ben là, je sens que j'ai plus d'énergie pour dire « Ben là, je peux commencer à bouger, là. » Fait pas se lancer dans les sports extrêmes encore, mais tu dis « Commencer à bouger, recommencer à prendre des marches, commencer à danser, aller faire, je sais pas, un cours d'aérobie, un cours de Zumba. » Ça peut être le bon moment en deuxième trimestre aussi, là. Toujours avec des faibles impacts si vous n'êtes pas habitué de faire des impacts. Je fais une parenthèse pour la course. Les gens qui font de la course avant la grossesse, puis qui sont habitués de faire la course, puis qui n'ont pas aucune contre-indication, puis le médecin, il dit, ben oui, tu peux continuer. C'est pas la course qui va te faire faire une fausse couche. Ton corps est déjà habitué à faire ça. Mm-hmm. Fait que tu peux continuer à faire de la course. Fait que mais... même s'il y a des impacts, ton corps est déjà habitué. C'est ça. Ton bébé, il va pas décoller en faisant de la course. Mais si tu le fais, tu sais, si t'en faisais pas, puis tu dis, je vais me mettre à la course, mauvaise idée. Fait que même chose, j'étais habituée dans un cours en groupe, parce que vous bougez, vous faites, que là, vous dites, non, faut plus que je fasse de saut. Si t'étais déjà habitué, puis t'as pas d'inconfort en le faisant, tu peux continuer à le faire. Ben, j'avoue que tu dis, tu sais, le syndrome du bébé brassé, mais c'est on entend tout le temps les bébés morts à cause qu'ils sont fait brasser, ça a l'autre chose quand tu cours. Ils sont fait solides, ces bébés-là. Surtout qu'ils sont comme d'une piscine. Ouais. Puis le syndrome du bébé brassé, c'est plus après la accouchement, quand les parents, tu sais, quand on appelle ça le syndrome du bébé brassé, c'est le parent qui perd patience puis qui secoue son enfant. Mm-hmm. Là, le cerveau, il cogne contre la boîte crânienne. Puis ça, c'est le syndrome du bébé brassé. Parce que là, ils sont plus dans l'eau. Là, ils sont plus dans l'eau. Puis là, c'est problématique. Puis tu veux brasser et non pas shaker, hein, comme James Bond. Ouais, à la cuillère, non au shaker. C'est ça. En français, ouais. Comme le bébé. Ouais. Juste voilà. À la cuillère. Ben oui. C'est ça. Fait que ça, au niveau du deuxième trimestre, ça peut être un bon moment. Le troisième trimestre, qui est plus particulier, là, attendez, là, je vais vous apprendre quelque chose, là. C'est là que la bédaine pousse le plus. Oh, wow! Ouais, allez, tu vas te ramasser c'est avec une bédaine. C'est en ordre. Je vais me ramasser avec une bédaine. Ah, ouais, tu vas te ramasser avec une bédaine. T'es fine de me dire que j'ai pas de bédaine en ce moment. Ben non, là, t'es mince. C'est ça. Fait que, puis le poids du ventre va faire en sorte que ton centre de gravité va changer de place. Mm-hmm. Fait que, tu sais, ton dos va cambrer un petit peu plus, les douleurs dans le dos vont probablement apparaître si votre dos n'est pas assez fort, d'où l'importance de faire des exercices musculaires pour le dos, pour renforcer votre dos avant la grossesse, un peu pendant la grossesse et après la grossesse aussi, c'est sûr que c'est tout le temps. Alors ça peut être une des problématiques du troisième trimestre, le dos, les douleurs dans le dos, fait qu'il faut s'écouter, c'est super important. Aussi, les douleurs au niveau du nerf sciatique. Mm-hmm. Le poids va tirer dans le sciatique, c'est qu'il y a un nerf qui passe au niveau de la fesse puis qui s'en va rattacher vraiment en bas dans la cuisse, là, derrière la cuisse. C'est une problématique aussi, fait qu'on peut faire des étirements pour éviter ça et pour soulager ça. Mais reste encore une fois que si ton dos est fort, ça va t'aider à prévenir ça aussi. Tous les exercices qui sont couchés sur le dos. pendant la grossesse, le poids du bébé va faire en sorte que, tu sais, à partir du troisième mois, il y en a que c'est à partir de la cinquième semaine aussi, là, le poids du bébé va venir comprimer principalement la veine cave, okay, proche du cœur. Et ça peut faire en sorte que ça bloque un peu la circulation, puis ça peut faire des chutes de pression chez la mère. Ouais. Fait que c'est une des raisons pour lesquelles que ça peut être plus difficile, plus problématique de faire des exercices couchés sur le dos. Donc, pas de sexe. Ben, où t'es sur le dessus? De joyeux. Donc, position. La position du chat en yoga se transforme très bien en haut. Alors, voilà. C'est douché, je pense. Image caméra 3. Okay. Mathieu, oui, en position du chat, image caméra 3. Imaginez ça. C'est désolé, en passant. Voilà. OK, voilà. Oh mon Dieu, là, je suis perturbée parce qu'est-ce que je viens de dire, là. Ah, troisième trimestre. Trop tard. On va couper son montant. Alors, oui, troisième trimestre, coucher sur le dos, là, ça va être à éviter les redressements assis. Souvent, les femmes vont dire, mon Dieu, mais mon ventre va se détruire. Quel redressement assis? Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir garder mon ventre, là, plat? Et... ben, j'ai une petite mauvaise nouvelle. Votre ventre, là, je vais mettre mon mot entre guillemets, oui, oui, va se déconcrisser. C'est un terme médical, oui, technique. Voilà. Oui. Donc, c'est pendant la grossesse. Tu sais, le grand droit de votre abdomen, le six-pack, là, va s'étirer. Okay. Il va même se passer une diastase. Une diastase, ça veut dire va s'éloigner un de l'autre. Le centre, là, va faire en sorte que ça va s'éloigner un de l'autre. Vous venez faire des redressements assis par-dessus ça, vous venez contracter par-dessus ça. Ça peut être problématique parce que s'il y a un espace entre votre six-pack qu'on s'imagine, mm-hmm, il y a une petite pente, là, ouais, ouais, on pourrait venir créer des hernies à cet endroit-là. Il ne faut pas faire des redressements assis si on a une diastase. Fait que pendant la grossesse, c'est une mauvaise idée. Après la grossesse, il faut vérifier si notre formidable six-pack, le grand droit de l'abdomen, est revenu à la bonne place. Pour on le vérifier, là, je ne vous mimerai pas, je ne vous expliquerai pas comment le faire, là, mais allez voir votre entraîneur, ouais, ils vont vous aider, là, à le faire. Ou même votre infirmière va pouvoir vérifier si vous avez une diastase. Non, je pense que quelqu'un, la grande chef de renommée mondiale, là, elle a écrit un livre là-dessus, le José Diastasio. Ouais. Ouais. Diastase. Elle était quand même bonne. Ben, oui. Fait que les redressements assis sont à éviter pendant la grossesse parce que c'est complètement inutile, puis ça peut être même problématique. La seule chose, c'est qu'on veut quand même garder des abdominaux forts, mais il y a des abdominaux plus en profondeur. Bon, il faut que je coupe dans pas long. Hein. Les abdominaux plus en profondeur à travailler, dont le transverse de l'abdomen, qu'on peut faire des positions de planche et tout ça. T'sais, tout ce qui est pour pouvoir vous faire prescrire des exercices dans votre entraînement, allez voir un kinésiologue. Il va pouvoir vous donner les exercices, mm-hmm, spécifiques à vous. Parce que même si je vous dirais quel exercice faire, c'est spécifique quand même. T'sais, au niveau de votre cardio, là, c'est la même chose aussi. Votre entraîneur va vous faire le calcul, selon vous, environ 80 % de votre fréquence cardiaque maximale. Là, je vous dis ça, c'est comme du chinois. Votre entraîneur, votre kinésiologue est formé pour ça, pour vous faire le calcul selon vous, selon vos capacités. Moi, ce que je vous ai donné, c'est des trucs pratico-pratiques pendant votre cardio. Pendant la musculation aussi, c'est des trucs pratico-pratiques que je vous donne. Tu sais, travailler le muscle de transverse en profondeur avec des exercices de la planche, ça peut être bien. L'exercice de Kegel, que je prends le temps de vous expliquer aussi, là, on s'imagine qu'on se retient de faire pipi. Le muscle qui contracte, ouais, pour faire la contraction, même les hommes, on possède ça, ben, là, ouais, parce que vous urinez vous aussi. Ben ça, c'est conseillé pour tout le monde en, oui, tout temps, ça, je, oui, pense. Oui, ça l'évite. Tu sais, ce muscle-là, c'est un peu comme une sorte de hamac, qu'on pourrait dire, là, puis il est dans le bas de vos abdominaux. Et ce muscle-là, avec le poids du bébé, va se défaire. Hein, il va être moins efficace. OK, c'est comme si le hamac, il finissait par frotter à la terre. Voilà, tu sais, une descente de Vici, là, ça peut être ça. Après ça, post-grossesse ou durant la grossesse, là, vous avez envie, tu sais, plus fréquemment d'uriner, ou des fois même des pertes involontaires. Cet exercice-là va vous aider. Encore là, parlez-en à votre entraîneur. Il va pouvoir vous expliquer spécifiquement comment le faire. Mmh. Alors, on peut même pratiquer ce muscle-là oui. au gym. Vraiment, tout le temps, tout le temps, tout le temps. T'sais, en attendant l'autobus ou... tu sais, ça, c'est un exercice qu'on peut faire. Comme on dit, à n'importe quel moment. C'est ça. N'importe quel grand moment. Maintenant. On peut le faire maintenant, si vous voulez, en parlant. Puis, mettons, je ferais une petite... Fait que ça, au niveau de la musculation, là, faites-en la musculation avec des charges. C'est une bonne idée aussi, mais les charges, il ne faut pas qu'elles soient trop élevées. Avec des élastiques, avec des ballons, tout ça, c'est bon aussi. Fait que faites-vous monter un programme pour vous, là, selon, là, puis tu sais, avec une petite progression. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous êtes enceinte, c'est pas le but d'être là de performer. C'est pas le but de dire, ben là, je vais essayer d'être... On est là pour maintenir. Mm-hmm. On est là pour maintenir la condition que vous aviez au début de la grossesse puis essayer de la maintenir jusqu'à la fin. Fait que c'est de se respecter, de s'écouter puis d'y aller avec comment qu'on se sent puis avec, au fur et à mesure que la grossesse change, d'y aller avec ça aussi. Je fais une petite parenthèse sur les étirements qui sont super bons aussi pendant la grossesse à faire. La seule chose, c'est qu'on a plusieurs hormones qui rentrent en contribution, dont la relaxine. Ça peut être... notre corps, les muscles, les tendons vont être plus slack durant notre grossesse pour pouvoir nous permettre de nous aider à accoucher. T'sais, notre bassin va s'élargir pour permettre le bébé de passer. Mais c'est pas juste à une place, c'est à plusieurs places. Hein, c'est partout. Fait quand vous faites des étirements, vous pouvez être plus propice à vous blesser si vous décidez qu'aujourd'hui, vous mettez à essayer de faire la split sur le mur. Là, allez-y progressivement. Allez-y progressivement. C'est bon de faire des étirements au niveau des fessiers pour le nerf sciatique et tout ça pour le dos. C'est bon de faire des étirements, mais d'y aller progressivement. Aussi. Fait que la morale de cette histoire et la morale de cette chronique étant de vous voulez vous mettre à faire de l'activité physique quand vous avez une grossesse, il faut le faire. Il faut le faire le plus possible, mais il faut juste faire attention au petit bémol en travaillant avec votre médecin de famille qui est le meilleur pour juger qu'est-ce qui est bon. Puis après ça, un coup, vous avez le OK, allez voir votre entraîneur, allez voir votre nutritionniste aussi pour pouvoir vous aider. Puis je termine en vous parlant d'un livre extraordinaire. Toutes les informations que j'ai pris dans ce livre-là, ça s'appelle « Sport et nutrition pendant et après la grossesse ». Ça dit tout, hein? Oui, oui, vraiment. Puis je te dis, la moitié du livre, là, c'est quoi manger dans votre grossesse et tout ça. Puis tu sais vraiment pourquoi. Puis c'est vraiment bien expliqué pour monsieur, madame, tout le monde. Puis au niveau des exercices aussi, tu sais, c'est là, en savoir un petit peu plus au niveau des exercices, ce livre-là est absolument extraordinaire. Ça a l'air beau aussi, en plus, dedans. Oui, ben oui, oui, regarde, l'image est belle. C'est le fun. Wow. Ça donne le goût de tomber enceinte. Ils ont de l'air bien. Ah, voilà. C'est vrai qu'ils ont, ils ont l'air épanouis. Oui, oui. Fait que voilà. Des fois, c'est un montage photo. Ouais, on n'est pas toujours épanouis. C'est fake. Fait que, voilà. Bon. Donc, ben, c'est super. Merci beaucoup, Sylvie Gilbert. Eh bien, ça m'a fait plaisir. Quelle fait bien cette chronique, hein? Oh, incroyable. Ah, c'est incroyable. Bien. Sylvie Gilbert, aux deux semaines, les mercredis à 8h. Yeah! Merci. Bye! À dans deux semaines. Vous êtes toujours à Assemblage Rocky dans quelques moments. On va continuer avec deux autres affaires. Il nous reste 5 minutes, ça devrait pas être là. Puis on va se faire un petit palmarès, palmarès tantôt aussi. Mais avant ça, on écoute The High Dials sur leur album In the AM Wilds. Voici Desert Tribe. Au 89 FM, c'est fou. Thank you. Desert Tribe par The High Dials. C'était un des groupes que tu as découvert dans le poste d'écoute, n'est-ce pas? Oui, je pense que c'est même le dernier, la semaine dernière. Le plus récent. Ouais, ouais. Et on fait le poste d'écoute tous les jeudis matin, donc soyez-y pour découvrir avant tout le monde. Déjà que les palmarès, c'est fou, c'est déjà avant tout le monde, comme dans les autres, les moutons, les petits moutons. Nous autres, c'est encore plus à l'avance avec le poste d'écoute. C'est malade. Donc, au retour, qu'est-ce que je disais? On a un son du palmarès. Oui. Puis tu sais que ça devrait répondre là. Ça va être parfait. Bon, on reste en émission. Reste là. De nouveauté. 89. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon, vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mercredi 28 janvier 2015. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui. Maintenant, avant de passer à la chronique où on achète des affaires sur Internet, là, on va s'y rendre dans quelques instants. Mais avant ça, j'avais envie de vous faire une petite liste. Le voici son foutu palmarès. Foutu palmarès, ça c'est la chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet précis. Et Stéphanie, aujourd'hui, je t'ai choisi une liste sur les collations préférées d'auteurs célèbres. Oh! Je me suis dit que ce serait le fun de savoir quoi manger comme collation des fois. Ben oui! Tu sais que je déjeune pas des fois. On manque d'inspiration. Ben, oblique tout le temps, c'est ça. Donc, ben, c'est ce manque d'inspiration et les écrivains sont souvent du type à avoir des rituels, des habitudes, des superstitions peut-être même. Donc, certains de vos auteurs préférés, voilà, ont des collations particulières. Par exemple, Agatha Christie. Tu es sa photo en haut? Sur la photo en haut, je ne suis pas certain que c'est elle. Je sais pas, parce que celle d'en haut, là, fait vraiment peur. Ouais, c'est elle. Elle fait vraiment peur. Bref, selon son arrière-petit-fils, arrière-grand-fils, donc elle buvait de la crème très, très, très pourcentage élevé, sans café. OK, buvait de la crème épaisse. Ouais, c'est de la crème épaisse. Et comme collation, elle mange des scones, des petites pâtisseries. Et de la crème Devonshire. Je ne sais pas trop ce genre de crème-là. Ben, ça doit être... Je sais pas. Je sais pas non plus. Ensuite, Victor Hugo. Victor Hugo qui débutait son matin avec une tasse de café, comme la plupart des gens, mais il mettait deux œufs crus dedans avant de caler ça. Arc! Miam, hein? Miam. Honoré de Balzac, qui aimait aussi le café. Il était accro à tout ça. Il avait probablement besoin d'un certain traitement tellement qu'il était accro. Donc l'auteur pouvait boire jusqu'à 50 tasses de café par jour. Ouf. Et ouais. Il mangeait des graines de café. Il les croquait entre plusieurs tasses. Il avait besoin d'un petit kick de plus. Après ça, il allait en régime avec une diète avec seulement du lait pour calmer ses maux d'estomac. Ben, il revenait toujours au café. Hein? Ouais. Wow. Du café, ça donne des brûlements, c'est clair. Ensuite, l'auteur John Steinbeck. Vous allez sur l'article sur assemblagerequis.com, ils ont ajouté en montage photo les collations, hein. Les tasses de café c'est sont... assez médiocre. Ça, c'est pas... Moi, je trouve ça parfait, je trouve ça vraiment très très joli. Donc, Steinbeck, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait une recette, c'est une canne de fèves, de bean. Haricots rouges. Haricots rouges. Ensuite, son rouge sa photo. Son rouge sa photo, donc il mangeait une canne de bean, puis une canne de hominy. Est-ce que tu connais le hominy? Non, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est le hominy? C'est un mets amérindien composé de grains de maïs séchés puis traité à l'aide d'une solution alcaline. Arc. Bien. Michael Crichton, qui a révélé dans une entrevue à 60 Minutes que lorsqu'il travaillait sur ses romans, il mangeait aussi un sandwich au jambon et au fromage à chaque jour. Ben ça, c'est parfait. Ben oui, il le faisait préfabriquer, préfaire, et il attendait, dans le fond, le sandwich l'attendait dans le réfrigérateur à côté d'une canette de Coke. ça donne des chefs d'œuvre comme Parc Jurassique, là. Moi, tu ça vois? Me convient. Tu vois? Mais moi, une canette de Coke avec des chips, là, c'est pas mal ma recette pour quand je prépare mes émissions. Ah, moi... Je suis proche de Michael Crichton. Mes chips, là, je trouve ça tellement meilleur avec un verre de lait. C'est incroyable. Je trouve que l'association est parfaite. Moi, c'est drôle, c'est le macaroni au fromage. J'ai pas fait d'avoir un Coke à côté. Ah! Ça va ensemble. Il y a des affaires là-bas. Et puis une tranche de pain beurré. Ah, ben oui. Ça va ensemble. Daniel Handler, qui est connu pour Lemony Snicket, entre autres. Donc, ça, c'était entre autres le film avec Jim Carrey. Lui, il écrivait sur de longues feuilles de papier, là, je pense que c'est des 8,5-14, des legal pads, ce qu'on appelle. Et donc, il buvait beaucoup d'eau et mangeait des carottes crues. Mon Dieu, il est donc bien santé. Ouais, quand même. Mais pas explique-moi pourquoi il est baqué d'abord. Il est un petit peu, ouais. Stephen King ensuite. Stephen King qui buvait du thé chaque matin. Il a commencé à faire ça dans les années 70. Il l'a mentionné plusieurs fois depuis dans différentes entrevues. Il a dit à Bon Appétit qu'il avait mangé du gâteau au fromage avant de s'asseoir pour travailler. Ouais. Et qu'il a marié sa femme, la romancière Tabitha King, parce qu'elle faisait du bon poisson. Mais il mange pas d'huîtres. Il mange pas tous les poissons. Il mange pas d'huîtres. Il trouve ça dégueulasse ben quand déjà, ça... déjà, c'est pas un poisson. Quand ça descend... Ouais, ben des fruits de mer, j'imagine. Ouais, ouais j'avoue que... Ouais, il a pas fait la distinction, mais quand même. Fruits de mer. Ensuite... Ben, j'ai l'impression qu'il faisait juste comme remplir plein de citations qui pouvaient correspondre ensemble. Ouais, ouais, c'est donc ça. Donc, je pas fait de transition. Ouais. Ensuite, on parle de Mme Emily Dickinson, qui aimait, aimait faire la cuisine. Hein? Elle aimait la poésie, bien sûr, aussi, vous le savez. Donc, elle faisait du pain frais à chaque jour. Hein? Et elle faisait descendre des fois des paniers de pâtisserie par la fenêtre aux autres enfants, en fond, aux enfants du quartier. Elle leur envoyait des pâtisseries. Et puis, pendant qu'elle était dans la cuisine, elle écrivait des poèmes à l'arrière des emballages de ses produits. Cool! Et finalement, H.P. Lovecraft, qui était fan du spaghetti. Hein, mais il aimait mettre beaucoup de fromage, des montagnes de fromage sur son spaghetti. Ben, qui aime pas mettre du fromage sur son spaghetti? Évidemment. Et c'était pas le seul produit laitier qu'il mangeait à l'heure ou buvait à l'heure du souper. Il mangeait un beignet et puis un gros bloc de fromage pour déjeuner. Parfait, ça. Parfait, Monsieur Lovecraft. Voilà, donc c'est la liste des auteurs de leur collation. Moi, ce que je trouve drôle, c'est que là, sur la photo de Lovecraft, ils ont pas pris une photo de Lovecraft puis ajouté du spaghetti subtilement dans la photo. C'est juste comme un gros spag avec sa face en avant. C'est le contraire des autres. Mais c'est parfait parce qu'on n'a pas de photo récente de M. Lovecraft, fait que c'est difficile de faire. Ben, il n'y a pas de photo récente de Honoré de Balzac non plus, ni de Victor Hugo. Donc, c'est un écrivain américain connu pour ses récits d'horreur fantastique et de science-fiction, M. Lovecraft, pour ceux qui le connaissent moins. C'est peut-être le nom le moins reconnaissable facilement dans la liste. Daniel Handler que je ne connaissais pas. Daniel Handler, allons voir qu'est-ce qu'il a écrit, monsieur Handler. C'est donc lui, un écrivain, encore une fois, scénariste et accordéoniste, mieux connu du grand public pour son pseudonyme occasionnel de Lemony Snicket, comme j'ai dit tantôt. Entre autres, les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire qu'il a écrit. Voilà. Ah, d'accord. C'est lui, c'est Daniel Handler. Voilà, on prend une autre petite courte pause musicale. Après ça, on va se faire que des gadgets inutiles pour le reste de l'émission. Écoutons une nouvelle entrée de Galaxy. Génial, j'ai très hâte de l'entendre pour la première fois sur nos ondes. C'est l'extrait Robot Lynx qu'on écoute au 89.1 FM. Du nouveau Galaxy! Yeah! See you. Une nouvelle pièce de Galaxy sur le palmarès francophone, c'était Robolikes sur l'album Zulu en 20e place franco. Et c'était excellent. Je pense qu'on va l'entendre souvent, celle-là. Ça ne fait que commencer. Oui. Ça nous amène à acheter des choses sur Internet. Peut-être qu'on pourrait s'acheter le nouveau CD de Galaxy, peut-être quelque chose comme ça. Pourquoi pas? Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, c'est la chronique des gadgets ridicules achetés sur Internet. On va commencer avec une montre fabriquée à partir d'un disque dur. Mm-hmm. Ça a l'air bizarre là même, tu sais, on aurait pu penser que ce serait une montre qui sert de disque dur comme une clé USB dans ta montre. Non, c'est pas ça. C'est Jean-Jérôme qui a utilisé un disque dur de 1 pouce qu'on appelle un micro drive comme base pour sa montre HDD Watch, pour Hard Disk Drive Watch. Donc, il a pris l'idée d'une blague photoshopée qu'il a vue sur un forum de montres. Et il aimait beaucoup l'image, il trouvait ça vraiment cool. Donc, il essaie de trouver un disque dur qui serait assez petit pour le faire. Et il a trouvé les micro drives qui non seulement sont petits, mais deviennent de moins en moins chers, étant donné leur obsolescence, dans le sens que les disques durs sont rendus en mémoire flash. Les disques durs avec une aiguille et une plaque, ça ne fonctionne plus du tout. Donc, c'est super nerd. On demande 180$ américains sur Indiegogo pour recevoir votre propre HDD Watch. Et Colin, que c'est beau! C'est vraiment très, très beau. La petite aiguille sert d'aiguille, évidemment, l'aiguille du disque dur. Vous savez comment c'est fait un disque dur, sinon, prenez-le pas, de toute façon, c'est mort. Ça change plus grand-chose que vous le sachiez. Donc, HDD Watch, pour vrai, on dirait une blague, mais non, c'est réel, c'est achetable. Ensuite, c'est une chaise qui ressemble un peu à un mille-pattes. OK. Toujours trouvé drôle dans ma vie pourquoi, tu sais, un mille-pattes, des fois, on va appeler ça un centipede, tu sais. C'est comme 100 pattes. C'est millipede. De toute façon, ils ont ni un ni l'autre nombre de pattes. C'est juste un nombre, comment dire, incroyable de pattes. Donc, c'est les Millie Chairs de Duffy London, inspirés par les mille-pattes. Ça coûte 2350$ chaque ou 3900$ pour une paire. Sauf quand même pas mal d'argent, hein. T'économises beaucoup, s'en achète deux. Voilà, 2350$ pour un divan qui, dans le fond, ce que c'est comme une chaise faite en forme de presque de S, si on veut. Donc, tu t'assois sur une portion du S. Et puis, il y a des pattes tout le tour. Donc, tu peux changer la position de ta chaise pour aller de l'autre côté. Donc, c'est un peu comme s'il y avait des pattes dans le dos. Là, c'est des pattes dans le dos. Et des grosses pattes, là, tu sais, des pattes en bois, comme des pattes de chaise là, vraiment classe que ta grand-mère avait, là, genre, tu sais. Oh oui, des pattes toutes travaillées. Par des professionnels du bois, là. Donc, c'est très, très joli et on peut les mettre un peu dans n'importe quelle position. Si t'en achètes deux, bien sûr, on montre sur les photos que, ben, ils veulent que t'en achètes deux, hein, je pense. Mais tu peux les coller côte à côte ou, ben, soit en leur faisant toucher les côtés. Ah, ouais, nez à nez aussi. Ouais, nez à nez pour faire vraiment une chaise un peu comme chez le thérapeute, le psychologue, quelque chose comme ça qui va te faire coucher sur une sur le soir, les jambes dans les airs, ça. Mais c'est super beau, tu sais, ouais. J'aime beaucoup le bleu du tissu. Ah, il est beau, là! Avec l'ébène des pattes, là, c'est super beau. Oui. Ça donne vraiment le goût de s'étendre comme un romain et de manger des raisins et boire du vin. Puis se faire les grandes feuilles pour te donner de l'air un petit peu quand t'as chaud, là, tu sais, les grandes... En tout cas, bref, on sait tous de quoi on parle. Ensuite, le Pyro Fire Shooter. Si t'as déjà voulu tirer du feu, des boules de feu de tes mains, un peu comme toujours. Mario, il envoie des boules de feu des fois. Donc, c'est les Pyro Fire Shooter à 174$. Un design de Adam Wilbur, vendu par Illusionist. Donc, on porte ça un peu comme un bracelet qu'on porterait sur le poignet. Sauf qu'on le porte en bas du poignet. La montre, d'habitude, on porte ça en haut. Je sais qu'il y a bien des gens qui portent leur montre en dessous du poignet. J'ai jamais vraiment compris. Quand tu tapes à l'ordi, ça tape ta montre. Je comprends pas ces gens-là, mais gars, je vous juge pas. Hein. Ben oui, on les juge, arrête. Ah, on peut les juger un petit peu, là. Donc, c'est ça, ça peut être caché en dessous d'un long chandail. Ça donne l'illusion, vraiment, que tu tires des boules de feu de ta main. Hein? Ou encore, je sais pas, que tu viens d'attraper une fleur dans Mario. Ça arrive. Donc, ça peut tenir jusqu'à 4 boules de feu. Ça fonctionne en faisant réchauffer un morceau de flash paper. Ça, c'est de la nitrocellulose. C'est ce que les magiciens utilisent pour faire des effets de feu dans leur tour de magie. Donc, ça peut lancer jusqu'à 10 pieds. À partir du baril qui est en dessous de ton poignet une fois que c'est chauffé. Et c'est activé via un contrôle sans fil. Ça peut se rendre jusqu'à 30 pieds. C'est parfait pour faire, entre autres, des tours de magie, des illusionnistes, etc., pour avoir besoin de ça. Il y a une petite vidéo promo pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, c'est les Pyro Flash... Fire Shooter, pardon. C'est cool, hein, comme bracelet. Mais... pas un peu dangereux. Oui. Ben, ouais. À ne pas mettre dans les mains de n'importe qui. Non, pas d'enfant, s'il vous plaît, pour ça. Mais j'imagine que ça doit s'enseigner quand même bien comment utiliser ça de façon sécuritaire. Mais ouais, souvent, c'est quand tu vas acheter ça, tu vas toi-même pas connaître ça. Puis ensuite, tu vas essayer de le montrer à quelqu'un puis tout en connaissant pas assez les méthodes de sécurité. Mais non, c'est ça. Imagine, ils mettent des instructions avec les séchoirs. Imagine avec ça, ouais. Là. Faut que tu mettes je sais pas comment. T'sais, là, on regarde la petite vidéo. Clairement, le gars, il a un chandail genre manche trois quarts, un peu qui arrête à l'avant-bras. Mm-hmm. Puis il fait un signe de fusil avec ses doigts. Puis la boule de feu passe directement au bon endroit pour ne pas mettre en feu son auriculaire et son annulaire. T'sais. Genre, j'imagine que tu sais, il y a comme quatre entrées de baril dans le bracelet de montre. Faut que tu choisisses les bonnes. C'est ça, les bonnes places. En tout cas, moi, c'est vraiment dangereux, en effet. Mais c'est cool en titi. Oui. Pyro Fire Shooter, voilà. Ensuite, ça, c'est des jackets, des manteaux, des vestes, si on veut, de Tommy Hilfiger directement, qui vont charger avec les rayons du soleil. Pourquoi est-ce que ton manteau a besoin d'être chargé? Ben justement, c'est la folie de Tommy Hilfiger avec ses panneaux solaires. Donc c'est ThingGeek qui vend ça en ce moment sur Internet. Donc c'est disponible sur le site de Tommy Hilfiger pour 599 en format pour hommes et pour femmes. Un petit peu, je pense que c'est dans le paragraphe suivant. Bref, qu'est-ce que ça va faire? Ben ça va charger tes gadgets, clairement. Ça va juste charger tes gadgets. Ah! Pourquoi pas? C'est parce que ça donne là, qu'ils sont super laids, les manteaux. Ils sont vraiment affreux, c'est les commentaires qu'on dit un petit peu partout. Ah, il est en spécial, excuse-moi, ça a descendu de 600 à 420$. Je sais pas si parce que ça se vend. Qu'est-ce pas. Que donné? Le design est par Pavilion, un innovateur basé à Brooklyn, de panneaux solaires flexibles. Donc, c'est ça, t'as un panneau solaire qui va charger la batterie pour garder tes appareils mobiles toujours en fonction sur la route, on the go. Évidemment, lorsque le soleil... est sorti dehors. Donc, sors pas chez vous passer 4 heures le soir en ce moment puis faire charger tes appareils. Ben non. Faut que tu les aies chargés le matin avec ton manteau de Tommy Hilfiger. Ouais. C'est quoi la mention de ThingGeek tantôt, juste pour être sûr que je dis pas n'importe quoi? Je pense que ça n'a pas rapport avec ThingGeek du tout. Mais c'est par Tommy Hilfiger. Ensuite, un foulard utilitaire. C'est le Nanamika Utility Scarf qui devrait offrir plus de fonctionnalités que votre foulard habituel. Donc, c'est construit avec un mélange de laine léger, tricot laine, donc parfait pour l'extérieur l'hiver. Et puis, ça offre une poche avec un petit zip qui est parfait pour transporter des choses. C'est disponible en vert, en bleu marin et en tartan, il y a un mot pour ça, tartan? Tartan vert. avec un petit peu de bleu marin dessus, 75$. Un zip. T'sais, on a déjà parlé de plusieurs foulards. Il me semble qu'il n'y avait pas de zip. Je pense les autres qu'on a mentionné, c'est des petites poches. Celui-là, des zips. Ouais, mais je sais pas. Qu'est-ce que tu pourrais avoir besoin de ranger dans ton foulard? Pour être sûr de pas les perdre, parce que j'ai tendance à les mettre dans ma poche de pantalon, mes écouteurs de lecteur MP3. Ouais, mais quand t'as un foulard, normalement t'as un manteau, il y a des poches dans ton manteau? Ouais, j'avoue. Pour le prix du foulard... Peut-être. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Des menthes ou des gommes? Mets-les dans tes poches de manteau. Dans tes poches de manteau. Mettons, je pense qu'il y a rien que je vais pouvoir dire qui aura pas aussi sa place dans une poche de manteau. Hein. J'avoue. En tout cas. Tu peux peut-être mettre une clé de spare de ta voiture. Ah oui. Si jamais tu te fais voler ton manteau. C'est une bonne idée. ou des fois que tu prends le manteau de la mauvaise personne, ça m'est déjà arrivé de partir avec le manteau de mon collègue de travail, sans faire exprès. Je l'ai ramené, mais... Tu sais, j'aurais pas eu mes affaires dans mes poches de manteau, là. Au moins, t'as pas de char. Au moins, j'ai pas de char. T'aurais pas pu rentrer chez vous. cette prochaine bouteille-là, des fois, on parle du fait que c'est des gadgets ridicules ou des choses à acheter qui sont peut-être pas nécessairement des produits conseillables. C'est des bouteilles à 39,99$ qui vont faire maigrir. C'est Stink Yourself Slim. Donc, c'est supposé faire, étant donné que les nourritures vont sentir mauvais, ça va faire que t'auras pas envie de les manger. Tu comprends-tu? Tu vas envoyer le spray sur quelque chose. Donc, si t'as des. Si tes affaires semblent mauvais. Ouais, mais achète-en pas si tu veux pas en manger. Tant qu'à acheter une boîte d'Oreo puis de poucher ça là-dessus, achète-la pas, la boîte de biscuits. Tellement un bon point. Donc, 40$ pour cette bouteille de Stink Yourself Slim. Ensuite, c'est un sac qu'on va mettre à l'épaule, un peu comme un sac à bandoulière, si on veut un sac de. On dirait un sac de facteur. Bref. avec un truc pour tenir votre tablette, votre iPad ou oh, autre. C'est laid. C'est très laid, bien sûr, bien sûr. Donc, ça va se passer par-dessus l'épaule. C'est un truc aux hanches, à la taille, qui va aussi se clipser. Et évidemment, ton sac peut contenir ton iPad. Et il y a un pop-up de plastique par-dessus sur lequel tu vas pouvoir mettre ton iPad. C'est quand même assez simple pour l'utiliser les mains libres. Donc, c'est par Tenco, le shoulder bag with pop-up tablet holder. Va transformer votre sac en un truc pour tenir votre tablette en dézippant, flippant. Et tout de suite, c'est utilisable les deux coups secs. 42$ environ, 4980 yens. Ben, pas trop cher, ça peut être pratique. Même si c'est laid, si t'en as besoin. Ben, c'est ça, pour les gens qui travaillent avec leur tablette en tout temps et qui ont besoin de leurs mains pour faire d'autres affaires en même temps. Sais-tu, moi, je verrais ça pour un journaliste. Oui, ça c'est peut vrai. Être extrêmement pratique quand t'as une conférence de presse, t'es debout, faut que tu prennes des notes, des photos en même temps. Avec ça serait totalement génial. Tu sais, c'est moins pire déjà, vu que t'as la place pour mettre ta tablette pour la transporter sur toi. C'est moins pire que, mettons, t'as une affaire, tu pourrais l'avoir dans le cou, ta tablette d'accrocher, genre. Ta tablette dans le cou, puis tu sais, un peu comme un appareil photo dans le temps. Ouais, ouais, les ouais. journalistes, mettons. Là. Mais là, ça tient bien autour de ta taille, t'sais. Voilà. Ensuite, je sais que t'aimes particulièrement les bulles dans les enveloppes, les paquets que tu reçois. Ben oui, qui aime pas ça. Qui n'aime pas ça, c'est Amazon est tellement rendu plate avec leurs espèces de grosses bulles d'air, là. Il n'y a plus de papier bulle, c'est juste une grosse bulle d'air. C'est vrai. C'est plate. Mais justement, pour peut-être compenser pour ça, un habit complet composé de bubble wrap. Oh! Hein, un habit de bubble wrap qu'on peut vraiment popper, mais qu'on devrait peut-être pas popper parce que là, tu n'auras plus d'habit à la fin. Hein. On s'entend là-dessus. Ouais. Et finir avec un morceau de plastique dégonflé. Donc, c'est une veste qui vient avec un hoodie et une fermeture en velcro. Les pantalons ont un élastique pour être bien confortable. Et donc, tu as vraiment les pantalons et... le dessus, le haut, c'est parfait. Tu sais, la vidéo est vraiment extrêmement drôle. J'ai pas regardé la vidéo. Il montre tout ce que tu peux faire avec. Donc, tu peux jouer au paintball. OK. Oui. Tu peux faire de l'unicycle. Tu oui. peux recevoir un ballon dans les parties. Tu peux te lancer en bas d'immeubles. Non, faites pas ça. Tu peux te faire arrêter par la police. Tu peux encore recevoir un ballon de football dans les parties. C'est vraiment très drôle juste pour la vidéo. Je suis en train de la regarder, c'est vrai, il se fait frapper, puis c'est clairement une poupée, c'est parfait. Là. Oh oui, c'est ça. N'essayez pas ça à la maison. Ils ont vraiment beaucoup d'attitude, c'est très, très drôle. Donc, on peut acheter un habit de la part de VAT19 pour $14.99. Génial. On va s'arrêter ici quelques instants, on fera une deuxième partie de Ça existe plus tard. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je reviens. Tu reviens, ben moi je te dirais de ne pas partir. Ah non, ben je reviens après la pause. OK, puis fais-toi pas tirer non plus rien entre les parties, Steph, s'il te plaît, ça pourrait être dangereux. Non, j'ai pas de bubble wrap. Bubble wrap. Donc voilà, on revient dans quelques instants avec une deuxième partie de Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a resté là. Fou de palmarès. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis, il est 9h06 en ce mercredi matin. Stéphanie Paradis, son nom? Mathieu Plante, c'est toi. C'est vrai. Il nous reste encore une dernière partie de Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a dans quelques instants. Mais avant ça, j'ai envie d'entendre l'autre nouvelle entrée francophone. En fait, il en reste encore plusieurs nouvelles entrées. On va avoir du temps demain pour en écouter. Mais continuons avec celle que j'ai le plus envie d'entendre. C'est Fontarabie, que j'adore. Bien d'accord, j'ai hâte d'entendre. Voici Vent Blanc sur C'est fou. 89 ans. C'est plus relax que ce à quoi on est habitué de la part de Fontarabie. C'était Vent Blanc sur l'album Eclipse, album tout récent que j'ai hâte d'écouter. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, on continue avec une deuxième partie. Et voici, ça existe mais ça ne devrait pas, on l'a. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique des gadgets inutiles à trouver sur Internet. Bien sûr, on vous dit où les acheter. On vous dit pas où vous procurer l'argent pour les acheter. Ça, c'est votre problème. Un étudiant invente des souliers à ultrason pour les aveugles. Hein? Ultrason, ouais. Comme les chauves-souris, là, maintenant? Comme les chauves-souris. Évidemment, tu sais, quand on dit gadgets à acheter sur Internet, ils sont pas tous nécessairement achetables. Il y en a, c'est des concepts seulement. Mais bref, évidemment, on sait qu'être aveugle, c'est peut-être un handicap assez majeur. Pas mal. Oh, oui. Un des pires. Un des cinq pires. Quoi que si t'as pas le toucher, c'est pas si grave. Parce que t'as pas de bras, pis t'as pas de peau, pis t'as pas. Mais toute la. T'as pas de terminaison nerveuse. Ouais, t'sais. Non, arrête. Imagine-tu pas de toucher, là? Tu peux jamais recevoir d'amour et d'affection de qui que ce soit physique. T'as raison. T'as raison. C'est triste. Bref, il y a des gens qui développent des outils pour essayer de simplifier la vie de ces gens-là. Un petit peu, un étudiant de l'Argentine, Juan Manuel Bustamante. Hein? Ça, c'est viril, hein? Juan Manuel Bustamante a développé donc une paire de souliers avec de l'ultrason à l'intérieur pour aider les personnes aveugles à naviguer leur environnement en enlevant le besoin d'avoir une canne. Son invention s'appelle Duspavoni. Donc les souliers ont des sensors à l'avant, sur les côtés et en arrière. Ça va établir un périmètre de 25 pouces ou encore 63,5 cm autour de la personne. Et ça va vibrer lorsqu'un objet solide va être détecté dans cette distance-là. Ça va faire vibrer d'ailleurs la partie du soulier qui correspond à l'endroit où est situé l'objet. Plus proche la personne est de cet objet, plus la vibration va être intense, donc forte. Ce qui va leur permettre non seulement de savoir dans quelle direction est situé l'objet, mais aussi environ la distance. Les batteries pour faire fonctionner les souliers seront rechargeables avec une charge de 5 heures qui va durer entre 3 et 5 jours. On n'a pas encore d'informations sur la commercialisation ou la disponibilité, mais on s'entend pour dire que c'est le futur pour les aveugles. C'est vraiment, vraiment cool, sauf qu'on s'entend, la vidéo est un peu fake, parce qu'il y a des boîtes placées dans le salon et la fille s'en va directement vers les boîtes comme t'es même pas aveugle. Mais t'es assez ou faut qu'elle aille. T'es même pas aveugle. Hey. Mais je trouve que c'est vraiment une idée de génie. Trouves-tu aussi que les souliers, on dirait qu'ils ont des strips de bacon d'imprimé-tu? Sa photo, on dirait qu'ils ont des bandes de bacon imprimées sur le soulier. Ah, mais ça, là, c'est juste le design du soulier. Ah, mais tu sais, moi, je les achèterais, mais si j'étais avec, je saurais pas qu'il y ait des strips de bacon sur mon soulier. Ouais, mais t'aimerais peut-être ça qu'il y ait du bacon sur tes souliers. S'il y avait l'odeur, ça pouvait m'envoyer l'odeur à la bonne distance aussi. Pour si à la place de vibrer, ça envoyait l'odeur de bacon de plus en plus forte. Ouais, mais si t'as un problème d'odorat. Ah, j'avoue, c'est un autre des sens là, les plus importants à perdre. Hein. Ouais. Ensuite, des. tu sais. Des gants. Voyons. Ouais, non, je trouve ça un petit peu stupide. Les gants, de nos jours, c'est facile de s'en procurer qui ont des petits trucs pour les téléphones et les tablettes tactiles. Ouais, ouais, ouais. Mais, Colin, quand tu veux savoir où t'en aller, où te diriger, Steph, t'as pas de lumière. Donc, il te faut des gants à lumière LED dans les bouts. Ça s'illumine. Dans les bouts de quoi? Les bouts de tes doigts. Ah, OK. Ça serait de quoi, sinon? Donc, les LED Glow Gloves, c'est des gants quasiment hypnotisants avec des grosses lumières LED au bout de chaque doigt pour pouvoir briller de 6 modes de lumière paramétrables ou encore éteints. Donc, il y a un bouton sur le poignet. Parfait pour donc éclairer peut-être ta serrure de porte le soir. Faire un rave psychédélique, peut-être. Faire du code morse si jamais t'es en danger. Code morse, appeler un taxi, etc. Tu peux faire tout ça. Peut-être même faire jouer ton chat. Ah! Avec ça. Pourquoi pas? Donc, LED Glow Gloves. Ensuite, c'est un... on a déjà parlé de ce genre de choses-là, mais je trouvais que celui-là était quand même pas cher pour ce que c'est. C'est un chandail hydrophobe à l'épreuve des taches. Et on voit sur la photo sur assemblagebrocky.com qu'on peut même se verser du ketchup, puis de la mélasse, puis de la bière, puis du ci, puis de ça. C'est de la sriracha. Excuse-moi, t'as reconnu l'embout, le petit bouchon de la bouteille? Ouais. C'est en effet de la sriracha. Le bouchon est vert, pointu. Bref, pour 60$, c'est un chandail blanc qui va rester blanc tout le temps avec une nanotechnologie faite pour repousser l'eau et les saletés. Ça reste remarquablement propre entre deux lavages, parfait pour peut-être les gens qui travaillent dans un restaurant, peut-être même les gamers qui veulent s'essuyer leur crotte de fromage sur le ventre. Ils peuvent faire ça, si là. Mais il est pas mamelon, c'est autophobe. Parce que si t'es ses hôtes, Ça paraît à travers ce chandail-là. Ça paraît beaucoup, monsieur. Monsieur, au moins, on voit qu'il y en a juste deux. Il est pas freak, il n'y en a pas trois. Ensuite, ça arrive. Le chandail l'aurait montré. Ça arrive. C'est vraiment pas un gadget. C'est un gadget par la bande. En fait, quand je dis que la chronique est une chronique de gadget, vous savez très bien que c'est juste des affaires qu'on peut se procurer. La fonctionnalité gadget ou le mot gadget, c'est tirable dans bien des sens, un peu comme les manelons du gars. Ici, je vous parle d'un jeu de société qui, moi, m'intrigue vraiment beaucoup. C'est un tic-tac-toe, mais empilable. Ça s'appelle le tic-tac-toe. Comme une empilade. Okay. Un tic-tac-toe. Comme le stacker chez Burger King. Pareillement. Et comme le tic-tac-show avec genre chose à faire. Jean-François Mercier, ça doit même plus exister déjà tellement c'était mauvais. Hey, tellement, tu sais, VTL, là, leurs émissions qui sont vraiment mauvaises, là, ils rediffusent quand même parce que comme ça, au moins, ça rentabilise leur achat. T'sais. Ben oui. Mettons duo avec la fille du Véronique, du Véronique Cloutier Show, peut-être, Véro Show. Mais c'était ça, le concept était excellent. Duo, ouais. Mais c'est l'animatrice était incapable de gérer son panel. Ouais. C'est ça le problème, fait que c'était tout le temps broche à foin. Ou, 0 à 1000 l'échelle du talent. T'sais, ils ont payé pour une saison d'émission, puis ils continuent à jouer. Là, tic-tac show, je pense qu'il n'y a même pas de reprise de ça, tellement ils ont honte. C'est vrai, pas vu de reprise de ça. Peut-être l'été prochain. Bref, on parlait de tic-tac-toe. On connaît tous le jeu de société. Est-ce qu'on peut vraiment dire jeu de société pour un tic-tac-toe? Pas vraiment. Jeu de table, si on veut. Donc, on essaie d'améliorer la formule avec tic-tac-toe. Mais donc, je regarde les photos depuis tantôt et je comprends pas. C'est tridimensionnel. C'est le jeu de l'année Game of the Year Award 2014 par Creative Child Magazine. C'est pour les enfants ou les personnes de plus de 8 ans. Ça se joue à deux joueurs. Peut-être que ça peut être plus jeune que 8 ans, même si ça, bref, peu importe. Là. Mais donc, on dit qu'on a tout dans la boîte. Donc, 4 bases, des X rouges et des O blancs. Et 2 bloqueurs qui sont totalement optionnels. Et on va faire des tic-tac-toe en hauteur autant qu'à l'horizontale sur la plaquette. Donc, dans le 3D, mettons, là, tu vas faire des empilades de haut, mettons. Ah, OK. Et les X vont pouvoir faire des diagonales dans la verticalité, diagonalité de la chose. C'est okay? Un peu le mélange du tic-tac-toe et, tu sais, le jeu avec les petites pinouches quand tu dois faire des séries de 4, là. Ouais, je me rappelle pas du nom. Je sais pas c'est quoi le nom, là, mais. Ça me fait penser aussi à. Tu sais, le jeu que tu dois. T'es à la verticale, tu laisses tomber des jetons de. Mais c'est de ça que je te parle. Mais c'est pas des pinouches, des jetons. Des pinouches. Je cherchais un jeu avec des pinouches, j'en connais pas. T'sais. Ben, des pinouches, mon Dieu. Trouve-moi la définition dans le dictionnaire de pinouche voir. Moi, j'aurais pensé à quelque chose plus d'une forme de. Mais des jetons que justement, tu dois en faire. Ça s'appelle Connect Four, celle-là. Bon, c'est ça. Okay, donc, oui. C'est vraiment un mélange de tic-tac-toe et de ce jeu-là. C'est exact. On s'est rejoints. On a fini par se comprendre. C'est ça, C'est le mot pinouche, je pense, qui a causé. Ça m'a complètement déboussolé. Complètement. Désolé. Ouais, donc, voilà. T'as 4 formes de planches. Je ne vous expliquerai pas trop ce que vous pouvez faire avec ces planches-là. Mais on a juste besoin d'assembler les panneaux ensemble. Puis après ça, commencer à punir. Les pinouches qui ont en dessous des jetons. Ouais. Des patentes dans les trous pour les faire tenir. Ça snap pas littéralement sens, ça fait juste tenir dessus. Mais bref, je vais trop dans les détails un petit peu pour ça. C'est vraiment cool comme jeu, je trouve. Moi, j'ai vraiment envie de jouer à ça. C'est tic-tac-toe. Disponible maintenant sur Internet. Et il y a aussi une version application iOS de tic-tac-toe si vous voulez l'essayer avant de l'acheter. Ah, intéressant. Le jeu vient de Pressman Toy sur PressmanToy.com. PressmanToy.com, on dirait qu'ils font juste un jouet, ça. Ça manque de S oui, à Toys. Ouais. Bon. Ensuite, tu sais, les montres intelligentes, à chaque chronique, il faut au moins que je dise une fois la phrase. Tu sais comment les montres intelligentes sont à la mode en ce moment? Ouais. J'ai tout le temps cette phrase-là de la même façon, on dirait. Tu sais comment les montres intelligentes sont à la mode en ce moment, Steph? Oui, Mathieu. Mais ce qu'on devrait ramener, c'est les bonnes vieilles horloges de poche. Oui. Comment t'appelles ça déjà? Ben, des montres de poche. Non, il y a un mot pour ça. Il y a un mot pour ça, puis j'ai perdu. Ah boy, j'ai perdu. Bref, une pocket watch, une montre de poche, je sais qu'il y a un mot pour ça. Donc, mais c'est une version intelligente. C'est la version de Zero, Z-I-I-I, parce que 3, 2 I, c'était pas assez, ils en ont mis 3, 0. Donc, c'est une montre de poche, une montre grand-père, genre, bref, que comme votre grand-père avait. La Titan Pocket Watch avec un écran LCD dans un boîtier d'aluminium, voilà, résistant à l'eau. Parfait pour la vie de tous les jours, sauf pour prendre sa douche, là. C'est hydrophobe et c'est pas. Ça va pas dans l'eau, c'est à l'épreuve de l'eau, mettons. Bref. Ça vient avec un porte-clés. C'est disponible en version chromée, noire, azur, cerise ou mauve. Zero offre la Titan Pocket Watch pour environ 170 $ américains. La Zero est disponible chez plusieurs revendeurs en Europe. On peut aussi commander sur leur magasin en ligne pour livraison internationale. Je vais te trouver le mot, ça. Est-ce que ça serait montre-gousset? Peut-être que c'est ça. Parce que je viens de tomber là-dessus, ça semble pas mal être ça. Ça me dit rien, mais ça se peut que ce soit ça. Possiblement. Donc, c'est quand tu tapes un montre de poche, ça arrive sur Kijiji, fait que tu vois que c'est n'importe quoi. C'est juste des photos de quelqu'un qui se montre la poche. Sur Kijiji. Sur Kijiji tout le temps. Non, donc sur montre horlogerie sur Wikipédia, ça donne montre gousset. Ça se peut très bien que ce soit ça, mais j'avoue que le mot ne me serait jamais venu si j'avais continué de chercher, donc merci. Ensuite... on dirait que chaque article me fait rire parce que j'avoue que ça fait comme 3 semaines que j'accumule des liens pour ça existe, puis ça fait longtemps que je me rappelle plus que j'ai mis dans la liste. C'est comme ça, j'accumule des affaires avec le temps. Mais c'est une brosse à dents électrique qui est aussi un bidet pour votre bouche. Donc c'est la brosse à dents du futur, une brosse à dents électrique, mais pas électrique comme on s'attend à avoir d'habitude. La plupart des brosses à dents sont parfaites pour vous mettre la pâte à dents sur les dents. Maintenant, c'est la Rinser Brush qui vous aide à enlever la pâte à dents de vos dents. Tu comprends ça? Donc, il y a un petit creuset à la tête de la brosse à dents qui permet à l'eau du robinet de passer à travers un système. Et quand tu appuies sur un bouton, il y a un petit moteur qui va renvoyer l'eau directement dans ta bouche. Wow! C'est une fontaine d'eau électrique dans une brosse à dents. Qui, elle, n'est pas vraiment électrique, parce que c'est pas une brosse à dents électrique comme on s'attendrait que ça fasse gzzz sur ses dents. Donc, pour le voyageur, ça va vouloir dire de ne pas avoir à être forcé. De ne pas avoir à être forcé, c'est comme un petit peu redondant. Mais de ne pas avoir à prendre tes mains dans l'hôtel puis avoir l'air fou, tu sais. Tu comprends-tu? Mais je sais pas, j'ai jamais besoin de gorger d'eau après. Quand tu brosses les dents? Non, mais tu sais, tu te brosses les dents, t'as la porte à dents, pour ça tu rinces ta brosse à dents. Tu continues à te brosser les dents avec de moins en moins de pâte à dents. Ah ouais? C'est comme ça que... T'as été élevé. Ben, ça que j'ai dit le mot couchette pour une bassinette, c'est comme ça que t'as été élevé. Ouais, mais ça, couchette, c'est la bonne façon. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas de bonne façon pour me brosser les dents, mais j'utilise pas de verre d'eau. Ben, moi, je connais plus de gens qui utilisent un verre d'eau. Moi, je prends tout le temps mes mains. Un verre d'eau, je trouve ça sale. Parce qu'avec la pâte à dents, on dirait que c'est fait un cercle de genre de cerne sur le verre. C'est dégueulasse. Mais c'est parce qu'il faut que tu le laves. Ben oui, mais là, je vais pas le laver à chaque jour. Ben non. Mais c'est pour ça, nous, on n'a pas de verre dans la salle de bain. C'est bien. Les mains, là, ça s'essuie très bien sur une serviette, je crois. J'ai jamais besoin de rien de plus que ça. Bref, c'est ça. Ça va vous empêcher de faire ça et ça va vous empêcher aussi de prendre peut-être les verres jetables de l'hôtel de pouvoir vous en servir pour à la place vous servir dans le mini-bar. Hein? 35 $ pour précommander cette brosse à dents-là. C'est parfait, nous dit-on, pour convaincre les enfants que l'hygiène peut être amusante. Ben oui. Voir que ça va rendre ça plus amusant, un bidet playel. Je sais pas si tu peux t'en servir comme bidet. Mais non, mais tu voudrais pas accrocher les poils de ta brosse à dents. Mais tu t'en servirais juste pour bidet, tu sais. Parce que pour un bidet, 35 $, c'est pas faire. Ouais, tant qu'à ça, j'ai tout une douche téléphone. Ensuite, tu sais, Steph. Ouais, Mathieu. Tu sais comment les ampoules intelligentes, c'est bien ben dans la mode en ce moment? Oui, Mathieu. Tu t'aimerais à la place pouvoir avoir une chandelle, tu sais, les Flameless Candles. Hey, tu sais comment les chandelles s'enflamment, c'est bien dans la mode en ce moment? Non, c'est pas super. Hey, ils vendent ça à TV. C'est laid. Les infopubs aux États-Unis, ça arrête pas les Flameless Candles. Il y a une émission sur la chaîne QVC, le genre de téléachat américain. Il y a une émission complète nommée Flameless Candles. Tu niaises? Je te jure. Voyons donc. Ils remplissent 24 heures, eux autres, là. Entre bref. C'est bien la mode, Steph, apparemment. Mais maintenant, tu vas pouvoir combiner l'intelligence d'une ampoule intelligente avec le fait d'être sans flamme, d'une chandelle sans flamme. Tu les mets ensemble. On dirait une chanson de Claude Dubois, les chandelles sans flamme. Donc, contrôlé par application, changeante de couleur, ça s'appelle les Play Bulb. À la place de Play Boob. Ah, excuse-moi, on n'allait pas dans le même sens. Quoi? Play Ball, toi t'allais sur le baseball, moi Play Boob, je l'ai sur les totons, t'sais, les seins. Parce que j'ai beaucoup chacun de classe le matin. Chacun t'sais. Ses goûts, toi c'est totons, moi c'est bat. Et voilà, le baseball est bonne. Hey, vraiment bonne. Mais rien. Est vraiment bonne, toi, c'est bien. L'autre fois, à l'impro, on fait des parenthèses parce qu'on a tout le temps devant nous. Pourquoi pas? Clairement, mais à l'impro, il y a 2 semaines, il y avait un match spécial contre la LIB, OK? C'est la Ligue de Bedondenne. Et eux, à la place d'être thématique improvisation de hockey comme la Luître, à la place d'être improvisation style baseball, OK? Oh, ça doit être mêlant, ça, quand tu connais pas les règlements. C'est ça. Mais c'est ce qu'ils font, leur thématique, leur chandail, c'est du baseball, tu sais. Ah. C'est vraiment très, très cool, je trouve. Mais ils ont envoyé leur cohorte, c'était genre 4 gars et une fille. Fait qu'évidemment, qu'est-ce que j'ai sorti à l'animation? J'ai dit qu'ils ont envoyé une seule fille au bat. Je l'ai trouvée bien bonne, tu sais. Ben oui. Fait que c'est dans le même sens. Ben c'est drôle. Oui. C'est drôle. Excellent. ça rentre dans le mythe, puis ça passe aux bases, puis ça coupe le circuit, puis hein? OK. Qu'est-ce que je dis, Playbulb. Ce qui mélange les ampoules intelligentes avec les chandelles sans flamme. C'est donc, ça prend la technologie des chandelles sans flamme avec une lumière LED. Et ça amène ça au prochain niveau. Donc, c'est une flamme que tu peux contrôler, évidemment, par une application sur ton téléphone cellulaire. Hein. Choisis la couleur et ça va instantanément changer la couleur. Et quand tu veux l'éteindre ou n'importe quoi, tu veux éteindre ta chandelle, tu vas souffler dessus comme une vraie chandelle et ça va l'éteindre. Tu vas l'éteindre à distance? Probablement que tu peux l'éteindre à distance avec ton application. Parce que ça ne te tente pas de te lever. Hein? Probablement. Il y a même un diffuseur d'huile essentielle à l'intérieur. Et tu peux la virer de bord pour installer une vraie petite chandelle. Tu sais, les tea lights, les petites très très minces. Ouais, pas des lampions. Ouais, les lampions, exactement. Donc, parfait pour un centre de table, lumière de nuit, sur ta petite table de nuit. Table de lit. Table de nuit, elle reste là pareil le reste de la journée. Table de chevet. Table de chevet. Et puis c'est ça, donc c'est par Bluetooth que ça fonctionne. Vous pouvez voir une petite démonstration vidéo sur assemblagerequis.com. C'est beau pareil. Ben pourquoi pas? C'est beau. Ensuite, c'est le Qi Wi-Fi router qui va donner une authentification à vos appareils sans avoir besoin de mot de passe. Vous avez besoin seulement de tenir l'appareil devant. Donc le Qi Wi-Fi, c'est un routeur qui va vous empêcher d'avoir à utiliser des mots de passe sur votre Wi-Fi. Vous n'aurez pas à taper le mot de passe parce que ça peut automatiquement authentifier les appareils qui sont proches. Ah. Hein? Donc, pas besoin de se déplacer. Donc, le Qi Wi-Fi utilise la technologie de la proximité pour authentifier vos appareils qui fonctionnent par Wi-Fi. Vous n'avez qu'à tenir votre appareil par-dessus, sur le dessus du routeur. Et en quelques secondes, vous allez entrer sur le réseau. C'est super simple. Ça a été un choix de l'équipe de Kickstarter. Et puis, on demande $69 américains en ce moment sur Kickstarter pour recevoir un Qi Wi-Fi. Ça va être vendu en magasin pour $99. Mais je trouve que le concept est bon. C'est des gens qui viennent souvent à la maison. À la place d'avoir à leur donner le mot de passe qui est super long, des fois, ça peut avoir une vingtaine de caractères avec des majuscules, des points d'exclamation et tout ouais, ça. Oui, mais tu peux changer ton mot de passe pour qu'il soit Mais il va être mémorisable. Moins sécuritaire, peut-être. Si c'est un mot dictionnaire, ça va être beaucoup moins sécuritaire, peut-être, non? Par attaque de dictionnaire, les hackers pourraient passer devant chez vous et trouver ton mot de passe. Honnêtement, je pensais pas que tu peux trouver mon mot de passe. C'est quoi? De Wi-Fi. C'est quoi? Je suis intrigué. C'est quoi ton mot de passe? Ah! Ben non. Donc voilà, sur Kickstarter, le Qi Wi-Fi, je trouve que quand même l'idée est cool de pouvoir juste passer ton téléphone dessus, le tenir et ça ben passe. Oui, ben oui. Mais pour $100, j'avoue que c'est très cher pour ce que c'est. Mais peut-être que dans un environnement public où tu voudrais donner l'accès Wi-Fi seulement aux clients qui viennent acheter quelque chose. Oui, ça peut être très bien. Le système pourrait être derrière le bar, il passe le téléphone dessus. Pour pas être obligé d'aller au comptoir, demander le mot de passe. Oui, exactement, il y a ça. Donc voilà, le Qi Wi-Fi. On va terminer là-dessus, c'est tout pour aujourd'hui. On en fait dernier. Un dernier, ok, oui. Parfait. C'est le Pytendo qui est J'ai vu la photo, je sais pas c'est quoi, mais je veux qu'on en parle. Ben, c'est l'émulateur de Nintendo de la grosseur d'une main, d'une paume de main. C'est tout petit dans la main, bref, si on veut. Donc le NES, qui est déjà une console petite, c'est pas une console énorme, c'est pas comme les PlayStation 4 et Xbox One de nos jours qui sont énormes. La NES, ça se transporte bien dans une main quand même. Mais si vous voulez pas avoir à traîner votre sac à dos avec toutes vos cassettes de Super Nintendo dedans, de Nintendo d'origine, pas de Super Nintendo. Donc c'est Pytendo, un petit émulateur tellement adorable. Donc, design à la Nintendo, tout est peinturé en gris pour la console, gris plus foncé pour la base, noir pour la petite bande sur le côté. C'est super mignon, bien sûr. Étant donné que c'est un ordinateur complet, ça peut faire fonctionner plusieurs émulateurs et pas seulement la NES. Ça va être idéal pour les jeux de NES et de Super NES, peut-être même du Genesis là-dessus. Donc, on peut acheter seulement le case Pytendo, donc le boîtier pour $49 américains, et mettre un Raspberry Pi, ça c'est un ordinateur qui coûte... Genre, je pense que c'est une vingtaine de dollars pour le modèle le moins cher. Le Raspberry Pi, c'est un petit ordinateur sur une petite planche, une cartouche. C'est utilisé entre autres pour les cinémas, pas cinéma maison, mais pour les home theater PC, pour brancher, pour écouter des émissions de télé sur ton ordinateur via ta télé. Donc, on peut acheter aussi le Pytendo Ultimate qui inclut un Raspberry Pi Model B+. Ça, c'est celui avec presque tout dedans. C'est le modèle plus luxueux. Une carte SD de 8 Go avec RetroPie dessus, un émulateur, je pense. Un contrôleur Super Nintendo USB, donc tu as la manette de Super Nintendo pour aller avec ta console de Nintendo d'origine. Wow. Un adaptateur de courant pour brancher dans le mur et un câble HDMI. Le câble HDMI, si vous achetez ça dans un magasin, souvent ça va être assez cher. Tout ça en tout pour $120, $119. parfait pour les gens qui aiment les jeux rétro, old school. Moi, je pense que c'est, ça vaut vraiment la peine. Et en plus, tu as la petite portière en avant de la NES qui s'ouvre pour brancher des prises parfait. USB. C'est absolument parfait. Et un jack Ethernet aussi pour avoir une connexion Internet plus rapide. Donc voilà, je pense que vous n'aurez pas le choix de mettre le fil, si je comprends bien. Je pense qu'il n'y a pas de Wi-Fi sur le... Pas grave, on en veut pareil. On le veut. Pythendo, P-I-T-E-N-D-O. Voilà. Et là, ça termine bien notre chronique d'aujourd'hui. Ah, là, je me sens bien. Assemblagerequis.com pour les liens de cette chronique-là. Et si tout va bien, je pense qu'on devrait peut-être même, et là, j'avancerai pas trop, là, mais je crois qu'on va peut-être faire d'autres gadgets demain à l'émission. Oh. Mais ça, on verra dans le temps comme dans le temps, parce que c'est déjà tout pour l'émission d'aujourd'hui. Nous serons de retour demain entre 6h30 et 9h30, toujours en direct à partir de 7h30. Oui, demain, on va être jeudi. On va voir Laurent Constantin demain. Ah. Et je crois que c'est tout, oui. C'est tout. D'accord. Pour demain. Malheureusement, dans les chroniqueurs collaborateurs, qu'on s'occupe du reste, on s'occupe du reste. On s'occupe du reste, peut-être des gadgets, probablement les instructions d'assemblage et un paquet d'autres choses bien intéressantes pour vous demain. Restez sous nos ondes à 10h. Tout à l'heure, ce sera Connaître ensemble, l'émission pour tout savoir sur la périnatalité. À 11h, c'est le Dîner de cons avec Dany Janvier, l'émission qui joint l'inutile à l'agréable. Ensuite, à 13h, je serai de retour pour le marathon Mathieu Plante du mercredi avec le Mathieu Plante Show à 13h et Palmarès c'est fou à 15h. Ensuite, à 18h, c'est Audiobatique, l'émission de musique électronique. Et finalement, les audacieux seront là à 19h pour partager avec vous, ou bref, vous faire entendre des découvertes musicales. Parce qu'on peut pas dire partager. C'est bien que ça se dit pas. Hein? J'ai appris ça à mes dépens. On se quitte avec une pièce de The Pretty Reckless, Sweet Things. C'est une nouvelle entrée sur le palmarès anglophone. Et puis on se retrouve demain à 6h30. Soyez-y. Bye-bye.